Bon, vous pouvez, on va commencer à noter comme ça, on ne va pas être éparpillé. Le titre, c'est « Notre passé va nous rattraper ». Pardon ? Notre passé nous rattrape toujours. La vérité aussi ? Hein ? La vérité aussi ? La vérité va nous rattraper, tu veux dire ? C'est lié, nous rattrape, j'attends le moment. Maintenant, la question que je vais vous poser... Bon, il y a tout le monde qui ont des stylos, sauf quelqu'un. Voilà. Ça va super assez. Non, Jamila, elle a la tablette. C'est elle qui l'a vu. Il y a quelqu'un, il n'y a que lui. Elle a même stylo que moi. Si vous regardez bien, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Ah, Arbia, tu veux dire ? Voilà. Moi, je l'ai vu avec un stylo, un truc. Je l'ai vu avec un portable. Je l'ai vu avec un portable. Donc, le point, c'est le cours, le point, c'est que notre passé, elle nous rattrape. C'est quoi le passé ? C'est une question. C'est les décisions qu'on a prises avant ? Les décisions qu'on a prises ? Tout ce qui est avant le présent. Avant. Tout ce qui est avant le présent, le jour même. Très bien. Eh bien, je vais vous dire que le passé n'est que le présent. Vous avez compris ? Mm-hmm. Le passé, c'est le présent. Vous avez... Regardez. Vous avez vu ça ? Je le fais comme ça. Je le lève. La première fois, il était le passé. Il est passé. Vous avez compris ? Donc, si je le fais très bien, il va avoir des conséquences dans le futur qui, lui, va être le présent après. Donc, chaque présent devient automatiquement, lui, le passé. Et le présent et le futur va devenir le présent et ainsi de suite. Dans tous les cas, c'est le présent qui va se transformer en passé. Le passé, en réalité, c'est le passé qui nous fait beaucoup de mal. C'est le passé qui nous fait beaucoup de mal. Mais en réalité, elle ne devait pas nous faire mal. Elle ne devait pas nous faire mal. Même si, quand on parle de regret, ce que nous avons regretté dans la vie, elle est toujours les choses qui sont passées. Mais le problème, c'est qu'on ne peut rien faire. Elle est déjà passée. Vous avez compris ? Donc, normalement, elle ne doit pas nous faire mal. Parce qu'on ne peut pas la changer. Mais elle devait nous servir, ou il devait nous servir comme leçon pour bien gérer le présent et le futur. Donc, disons le présent. Vous avez compris ? Donc, le passé n'est pas important. Je dis, le passé n'est pas important. Elle est là pour le présent. Ça veut dire qu'elle sert de leçon pour le présent. Donc, il n'est pas là pour lui-même, mais il est là pour le présent. Le plus important, c'est le présent. Ça veut dire que c'est dans cette actualité, ce que nous sommes en train de faire, nous devons prêter attention de le faire très bien pour ne pas la regretter. Nous sommes devant une décision à prendre. Réfléchissons très bien pour ne pas regretter cette décision-là. Donc, l'erreur que nous faisons dans le présent, c'est elle qui va nous faire mal dans le passé. Vous avez compris ? Non. Dans le futur. Non, c'est elle qui va devenir le passé. Oui. Ah, ça devient passé. Pas voilà. Non, c'est le futur, mais c'est elle qui va devenir le passé. J'ai dit l'erreur que nous avons faite dans le présent. C'est cette erreur-là qui va devenir passé et c'est elle qui nous fera du mal. Et c'est elle qui va nous aider à gérer le présent aussi. Hein ? C'est aussi l'erreur du présent qui va nous aider à gérer le présent. Oui, c'est très bien. Justement, j'ai dit, c'est pour cela que j'ai dit que elle n'est pas importante, mais elle est là pour le présent parce qu'elle nous sert de leçon pour le présent. C'est-à-dire les erreurs que nous avons commises dans le passé nous permettent de corriger très bien le présent. Vous avez compris ? Donc c'est ça. En fait, dans notre volonté, ce n'est pas faire des erreurs. Et ce n'est pas bon de faire des erreurs. Mais elle est normale, elle vient. Quand elle vient, il faut l'assumer. Il ne faut pas la regretter. Il faut qu'elle se passe des fois même pour que nous prenons conscience de certaines choses. Donc, c'est pour cela que l'erreur n'est pas quelque chose de grave. Mais même dans la réalité, je parle dans le côté technique, mais dans le côté moral, elle fait très mal. L'erreur nous fait très mal. Dès qu'on se rappelle d'erreurs que nous avons commises dans le passé, ça nous perturbe. Mais en réalité, il faut qu'on revienne dire tout simplement, cette erreur-là, elle s'est passée parce que je n'avais pas la capacité de l'empêcher. Vous pensez que vous aurez pu empêcher les erreurs que vous avez commises? Oui? Certaines fois, oui. Ça dépend. Il y en a plein. Je ne pense pas. Hein? Vous ne serez pas, vous n'êtes pas, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas capable de l'empêcher. C'est pour ça qu'elle s'est passée. En fait, vous êtes conscient quand elle se passe. Des fois. Parce qu'on a fait des mauvais choix. Parce que oui, mais le choix, en fait, si vous avez le choix à faire le choix, si vous avez le choix à faire le bon choix, vous aurez choisi le bon choix, pas le mauvais choix. C'est parce que vous ne pouvez pas faire le bon choix, parce que c'est pour cela que vous avez fait le mauvais choix. Parce que le mauvais choix que vous avez fait, pour vous, c'était le bon. Ça dépend si on réfléchit en raisonnant avec la raison ou la passion. Non. C'est la raison, on sait que le choix, il est pas bon. Quelles qu'en soient les circonstances, même si le choix était mauvais, en fait, vous ne vous rendez compte de du fait que le mauvais qu'après. Que longtemps après. Mais oui. D'accord, ça. Et donc, le moment que vous l'avez choisi, pour vous, ce n'est pas le mauvais. C'est juste qu'on n'a pas réfléchi, c'est tout. Non, ce n'est pas vrai. On a agi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, non. Mais la raison, c'est la raison. Non, c'est pas tous les temps. Des fois, on n'a pas réfléchi. Je ne suis pas d'accord. Des fois, on n'a pas réfléchi. Mais on n'a pas réfléchi parce que peut-être, dans certaines circonstances, on pensait que ce n'est pas la peine de réfléchir. On pensait que c'est clair. Et qu'on l'a choisi. En fait, au moment qu'on l'a choisi, toujours, on a eu une sorte de certitude. C'est parce qu'elle est passionnée. Et que les passions prennent le dessus sur la raison. C'est pas dans tous les cas. Certaines circonstances, oui. C'est pas clair aussi. Hein? Des fois, les choix sont pas clairs. Mais bien sûr, exactement. Si on fait un bon choix, on se rend compte du détail de tout après que tout s'est passé. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que il y a des erreurs qu'on a commises, il y a des failles, il y a des certaines choses qu'on n'a pas pris en compte dans notre choix. Mais c'est trop tard. Et le passé on ne peut plus la refaire venir. Donc chaque fois quand on se trompe, on fait des erreurs. Justement, c'est pour ça qu'on parle d'erreur. Sinon, c'est pas d'erreur. Vous voyez, c'est du mal qu'on a commis volontairement. Donc, dès qu'il y a erreur, il y a une part d'inconscience de notre choix. Il y a une part. Est-ce que vous avez compris? Donc, cette inconscience ou inconscience, cette inconscience partielle, elle peut être très petite que nous pouvons l'imaginer. C'est elle qui va orienter notre choix, qui va, nous allons choisir la chose qui n'est pas la bonne. Mais le malheur, c'est que les conséquences ne viennent que dans le futur, donc qui va devenir passé. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que vraiment, on n'a pas fait le bon choix. Est-ce que ça peut être lié à des blessures émotionnelles, qu'on fait des choses inconsciemment? Non, les blessures, c'est global. Les blessures peuvent venir de quelqu'un, du choix de quelqu'un sur vous. Que ce n'est pas vous qui avez choisi, ça peut venir aussi de vous. Voilà, les blessures, c'est tout simplement quelque chose qui t'a fait mal. Et qui t'a remarqué et qui s'est gravé dans ton tissu intérieur, donc mémoire, subconscience. Donc elle devient le motivateur de tes comportements après. Oui, il y a ça. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui vient de toi. Ça peut venir de quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. En fait, certaines tu as subi. Certaines blessures, tu as subi. Parce qu'on a fait le mauvais choix. Hein? Parce qu'on a fait le mauvais choix. Oui, je suis parfaitement d'accord. Je suis en train de dire que ce mauvais choix-là, c'est parce qu'on n'était pas, on ne peut pas l'éviter. On n'avait pas tous les éléments. Aussi, c'est ça, c'est pour cela qu'on ne peut pas l'éviter. C'est-à-dire qu'il faut les éléments pour l'éviter. Parce qu'on n'a pas tous les éléments, on ne peut pas l'éviter. Et on se rend compte des éléments que lorsque c'est passé. Donc, alors que c'est trop tard. C'est ça la vie. Maintenant, le problème, à mon avis, ce n'est pas les erreurs. C'est pas les erreurs. Le problème, c'est la perception que nous allons avoir à l'égard des erreurs. Voilà le problème. La perception qu'on va avoir. À l'égard des erreurs. On peut considérer que c'était une bonne chose finalement pour nous parce que ça nous a fait évoluer et pas rester sur j'ai pas eu de chance, machin. Au contraire, dire finalement ça m'a fait évoluer. Quelqu'un, deux, plusieurs personnes. Pourquoi j'ai encore refait la même chose? Voilà. Plusieurs personnes peuvent faire subir la même chose, les mêmes circonstances, les mêmes choses, mais ne vont pas le vivre de la même manière. ça peut détruire la vie de certains et que ça peut construire la vie des autres. Pourquoi ? En fonction de la perception de chacun. On va souvent dans les fratries, en fait, quand par exemple il y a un divorce et qu'ils sont 5 ou 6 enfants, en fait, tous les 5 ou 6, ils réagissent. Il n'y en a aucun qui va réagir de la même façon. Dans la même éducation, le même amour et tout, tous réagissent différemment. Et en fait, et du coup, c'est la perception. Tout simplement. En fait. Ouais. La perception. La perception est la base fondamentale de tous les comportements individuels et sociaux. Vous voyez, j'ai fait une expérience hier, je veux vous la faire. C'est quoi la perception en réalité? Perception, c'est la façon dont on voit les choses. Très bien. Il y a une différence entre ce qui est réel et ce qui est, perception. La perception, elle appartient à nous, c'est la nôtre. Très bien. En fait, elle est fonction de nos expériences, exactement, de notre côté émotionnel. Oui, le malheur, c'est que la perception pourrait être, peut se transformer en réalité, ouais, même si elle n'est pas vraie. Vous avez compris, ça va être une idée ambiante de façon que les gens ne peuvent pas concevoir le contraire. Vous avez compris? Les gens ne peuvent pas concevoir le contraire. Alors que c'est pas vrai. En France, on croit que c'est vrai, on est sûr que c'est ça la perception, que c'est la réalité et qu'on n'envisage pas que les autres ils pensent pas pareil que nous. On croit que c'est une vérité en fait. On croit que tout le monde pense ça. En France, les gens pensent que quand il fait chaud, il faut pas s'habiller. Vous voyez, et ça devient une réalité concrète, de façon que les gens ils voient le contraire. Des fois, ça se passe à vous tous. Je dis, vous n'avez pas chaud, alors que non. C'est tout simplement une perception qui est devenue une conception réelle. On a du chaud quand même. Je vous laisse parler, mais après, je vais répliquer. En étant habillée, c'est bon. Non, mais c'est pas moins chaud. Très bien. C'est bien, vous avez fini? Très bien. Je vais vous poser la question, si il fait chaud aujourd'hui? Oui. Très bien, il fait chaud aujourd'hui, on est d'accord? Oui, tout le monde. Est-ce que vous avez chaud? Non, ça va. Il y a la clim? Un peu, ça va. Non, ça va. Non, moi je suis gentil dans le hall, il n'y a pas de clim. Hein. Ça va très bien. Vous avez compris? En fait, ça c'est qu'une idée, c'est faux. Il ne fait pas chaud comme tu le dis. C'est quoi la chaleur? Allez, vas-y. La chaleur, c'est une température qui est élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on perçoit... Une température qui est élevée veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. Non, mais qui est élevée pour nous? Non. C'est l'absence de fraîcheur. Relativement. Aux autres. Non, mais relativement, ça veut dire la chaleur qui est élevée relativement à la chaleur ambiante de notre corps. Et pas que. Non, bien sûr, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose. On est en train de t'aider pour tout te donner raison. En réalité, ce n'est pas vrai. Quand il y a chaleur, il y a source de chaleur. Vous êtes d'accord? Oui. C'est le contact ambiante d'une source de chaleur. Les rayons solaires, ou si vous êtes dans un appartement chauffé, la résistance qui dégage la chaleur. Et ça, vous allez sentir cette chaleur-là sur vous. Je crois que ce que vous dites, chaleur, elle a un autre nom en français, je ne connais pas. Je peux dire la lourdeur. Calorifique. C'est voilà. L'énergie calorifique. Voilà. Donc cette lourdeur qu'on sent, qui fait qu'à l'intérieur de nos habits, il y a de l'eau, donc la sueur, la transpiration, en réalité, c'est pas ça la chaleur. C'est un effet qui se passe dans notre peau, que notre peau va répondre à ce qui est... Voilà. Donc, en fait, ce qui te dit, vous n'avez pas chaud, ça veut dire qu'en s'habillant, vous allez avoir chaud. Alors que c'est tout à fait l'inverse. Je dis, cette logique, elle n'est pas conforme. Ni à la logique scientifique, ni à la logique religieuse, ni même à l'esprit. À l'expérience humaine. Elle n'est pas conforme à ces trois choses-là. L'expérience humaine nous montre que dans le monde où il fait véritablement chaud, je vous appelle au Niger, vous enlevez, elle va aller avec ses bras comme ça, dans une heure de temps, elle va cramer, le charbon. Je vais cuire. Elle va cuire. C'est parce que je suis dans une maison, mais c'est vrai. Vous avez compris? Donc, c'est ça la chaleur. Donc, dans ce cas, on doit obligatoirement se couvrir. Pourquoi dans nos pays, on se couvre, on met des vêtements lourds? C'est pour se protéger des rayons solaires. Donc, on voit qu'on est dans l'inverse. C'est-à-dire, au lieu, quand il fait chaud, de s'habiller pour se protéger des rayons solaires sur tous les peaux blancs ou blanches, on dit, quelqu'un disait, que là où il y a proportion de cancer de peau, c'est beaucoup en Australie. Pourquoi ? Parce que l'Australie est un pays désertique, chaud, et c'est des blancs qui vivent là-bas, qui sont venus s'incruster dans un environnement qui n'est pas la leur. Vous avez compris ? Qui n'est pas la leur, et en même temps, ils ne se couvrent pas. Au lieu de se couvrir, ils se dénudent. Eh bien, le soleil brûle leur peau. Dieu a fait les choses parfaitement et très bien. C'est-à-dire, il a déposé chaque quantité d'être humain dans l'endroit et il a conformé son corps entier par rapport aux circonstances ambiantes. La température, l'ambiance, tout. Est-ce que vous avez compris? Il a fait de la peau noire pour résister contre le soleil. Est-ce que vous avez compris? Donc, la peau blanche, elle ne peut pas résister contre le soleil parce qu'il n'est pas d'origine d'un lieu solaire. Donc, voyez. Et la peau jaune? La peau jaune, oui, très bien. La peau jaune aussi a ses circonstances. C'est peut-être qu'il y a un mélange de froid et de chaud. C'est les deux. À la fois. Bon, bref. Donc, vous voyez. Donc, voici l'expérience que nous connaissons humainement et également dans la science aussi. Le médecin, il conseille beaucoup les gens en été de se couvrir pour éviter ces cancers de peau par les rayons solaires. Donc, vous voyez. Est-ce que c'est pareil par rapport à l'alimentation qu'il a conformé? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que l'homme, là où les hommes vivent, ils mangent les végétations, la végétation qui est autour d'eux. Quand un homme habite, va quelque chose. En fait, l'homme, c'est l'être qui est capable de s'adapter partout. Son corps a des mécanismes qui vont répondre aux problèmes climatiques à un certain moment. Après, il va continuer à créer des transformations au fur et à mesure. Donc, vous avez compris. Quand vous allez dans un endroit, dans certains endroits, vous allez tomber même malade, vous allez se sentir des fièvres. En fait, ces fièvres-là, c'est la réponse du corps qu'il est en train de faire pour lutter contre les événements ambiants. Donc, il y a des perturbations, donc ça va vous faire la fièvre. Ce n'est pas grave, mais c'est comme ça. Vous allez faire, par exemple, si vous allez dans des endroits où il y a la diarrhée, quand vous buvez l'eau, ce n'est pas grave. En fait, le mécanisme intérieur est en train de se conformer à l'eau qui n'avait pas habitude de prendre, les sels et tout ça qui sont dans l'eau. Donc, il est en train de les traiter. Donc, c'est comme ça. Allah a créé les choses parfaitement. Il a mis chaque population en conformité avec le milieu et l'environnement de qu'il se trouve. Et ceci, c'est pas seulement les humains, les animaux aussi. Vous allez voir, tous les animaux sont conformes à leur environnement. Pourquoi nous avons des ours blancs dans les neiges et des ours marrons dans les montagnes? Est-ce que vous avez compris? Là où il n'y a pas la neige. C'est comme ça. Donc c'est vraiment Allah de votre terre. Mais lorsque l'homme, il a déformé la nature, il en a subi les conséquences. Donc on a donné l'exemple de l'Australie. Normalement, ces gens-là devaient se couvrir parce qu'ils sont dans leur environnement, dans l'environnement ambiant qui n'est pas la leur. Vous voyez. Donc, ils devaient prendre un temps d'adaptation, qui veut dire se couvrir pour ne pas se brûler. Bon, bref, ce que je voudrais dire, ça c'est un exemple de conception ou bien perception ambiante qui est devenue une réalité, dont on ne voit pas le contraire possible, alors que ce n'est que la perception des gens. Et les perceptions viennent d'une idée, après ça va se banaliser. Après, même ceux qui s'opposaient, ceux qui vont s'opposer, vont se reconformer. Parce que quand la personne voit que tout le monde pense de la même manière, il finit par penser comme les autres, parce que les gens pensent comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas sa conviction, mais ça devient sa conviction. L'effet de groupe. l'effet du groupe, l'effet de société, de groupe. Sinon, j'ai donné l'exemple médicalement, j'ai donné l'exemple aussi dans ce qui concerne l'expérience humaine. Et Allah nous dit dans le Coran, dans un verset, dans surat l'abeille, vous avez un mushaf, verset 81, cherche-le pour toi. Cherche-le pour toi. Toi qui vas le dire. J'ai dit l'abeille. T'as pas écouté. Mais c'est juste dessus. Voilà. J'écris sur ta belle-mère. Oui, verset 81. Lis-nous ça, s'il te plaît. Et même si ça ne te plaît pas. C'est justement la raison pour laquelle je dis même si ça ne te plaît pas, parce que je sais que ça va te plaire. Ah, s'il te plaît, voilà. Voilà. Oui. Et de ce qu'il a créé, Allah vous a procuré des ombres. Et il vous a procuré des abris dans des montagnes. Et il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur. Voilà. Ainsi que des vêtements, cuirasses et armures, qui vous protègent de votre propre violence. La guerre. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous son bienfait. Peut-être que vous vous soumettez. Donc vous voyez, des vêtements qui vous protègent de la chaleur. Et nous, quand on se protège de la chaleur, il faut se dénuder. Vous voyez, vraiment, on est à l'envers, quoi. Donc vous voyez, dans la conception, je dis religieuse, ce n'est pas conforme. Dans la conception scientifique, c'est inconforme. Dans la conception expérience humaine également, c'est pas conforme. Donc, ça reste quoi ? Une idée qui est incrustée dans l'esprit des gens, qui est devenue, qui était une perception, mais pas l'effet ambiant, surtout par la publicité qui veut nous faire vendre ses marchandises, qui banalise quand l'été vient, on nous montre les habits des étés, et toujours c'est des habits de nudité en été. Donc, du coup, tout le monde a cru ça, et ils sont conformés, elle est devenue la réalité. Revenons à notre... Et le bronzage et tout, du coup, ça a évité un peu. Je ne sais même pas pourquoi les gens se bronzent. Je pense que les Blancs ne veulent pas être des Noirs. Pourquoi se bronzer? Parce qu'en fait, c'est un signe de richesse. Il y en a qui sont un signe de richesse parce que ça prouve qu'ils peuvent aller en vacances. Oui. Et du coup, ça montre qu'avant, c'était un signe de pauvreté. Par exemple, dans les pays asiatiques, ils se couvrent. Et là-bas, c'est par exemple le cas de la perception. Ça prend tout son sens parce que là-bas, être bronzé, c'est être pauvre parce que ce sont les paysans qui travaillent dans les champs. Ouais, qui tout travaillent et que son corps devient... Alors que, et avant, ici en France aussi, c'était ça. Mais, sauf qu'après, ça a changé quand il y a eu les congés payés. Parce que ceux qui pouvaient partir en congé, ils à la mer et ils bronzaient, donc du coup ça voulait dire quand on était bronzé c'est qu'on avait suffisamment de moyens pour pouvoir partir en vacances et autres, ça veut dire qu'on donc, était voyez, une classe donc rien n'est une vérité, c'est que seulement une perception qu'on nous a incrustée dans l'esprit. J'aimerais vraiment que vous lisiez, si vous l'avez déjà lu ou pas, Le meilleur des mondes. Aldous Huxley. Il a véritablement parlé de ce point là en grosso modo. Il disait donc dans un monde futur à son époque, maintenant qui est le monde présent, de détacher les gens de la nature. Vous avez compris ? Oui, c'est la première étape. Détacher les gens de la nature. Ensuite, leur faire aimer la nature pour pouvoir leur vendre la nature. Ah oui, c'est vrai. Donc, vous avez compris ? On les enlève de la nature, ils vont aimer la nature. Après, on va leur vendre la nature. Il va y avoir du tourisme. C'est qui va faire de l'argent dans le comment dire, le moyen de déplacement et toutes ces choses là voilà, exactement, voilà, vous payez des billets d'avion combien exorbitant pour aller dans le coin du monde. Les personnes, ils vont là-bas, ils sont déçus de leurs vacances, ils reviennent l'année prochaine, on leur propose d'un autre endroit meilleur que ça, ils voient la télé, tout est joli. Quand ils voient, ils vont là-bas, c'est pas ça. Il faut dire, l'amour de la nature, elle est intrinsèque, non? Okay. C'est même pas l'amour de la nature, non? On retrouve les besoins. En fait, la nature est une partie de nous. Nous sommes aussi un élément de la nature. Et ces trois éléments de la nature font un cycle, comment je l'appelle? C'est un cycle. Donc, un seul, quand elle manque dans les anneaux, le cycle, elle va se perturbé. Hein? Un cycle d'engendrement. Dans d'engendrement. Voilà. Exactement. L'homme, trois éléments, c'est quoi les deux autres? Trois éléments. L'homme, ouais. L'animal, la végétation, la plante. Il y en a qui mettent les minéraux. Parce qu'ils disent que c'est un... Bon, les minéraux dans la matière morte. C'est comme un café, les filles. Dans la matière morte. Les filles, vous voulez un café? Salima. Allô? Christine, Christelle. Allô, Walikoussalam. Salima. Pourquoi qu'on a la maison? Alhamdulillah. C'est des nuits. Non, mais par derrière du soleil. Ah, comment ça s'appelle la belle-fille? La belle-fille. Tu veux du café? Merci. Tu Là, il a rien dit après. J'ai dit allô, je ne l'ai pas compris qui est-il. Ben, je pense qu'il s'est trompé peut-être. Juju, oui, chaud. Justement, quand on rentre à la maison, on se démuse. Parce que la chambre, c'est pas pareil, c'est pas la chaleur du soleil. Oui, parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air. Parce qu'on n'est pas à l'extérieur, on n'est pas exposé. Voilà, exactement, on n'est pas aussi exposé. Mais ça, ce n'est pas un problème. Parce que le problème, c'est quoi pour nous? En fait, c'est opposé au principe même de notre religion, de notre foi. Merci, ça me fait plaisir. À tous. C'est une injustice quelque part. Bon, attends, j'ai dit je vais l'éteindre. Il a voilà. Puisqu'il a été bien, s'il te plaît. Non, mais quand je veux l'attaquer, merci. Non, mais c'est pas ça. Non, les laisse ce bagarre, c'est bon. Moi, je m'en sors. Je laisse se bagarrer, je sors. Non, c'est pas bravo. Quand on dit bagarrer, on blague. On s'est très bien que vous n'allez pas bagarrer. Vous bagarrez plutôt. Allez, donc, qu'est-ce qu'on disait? C'est madame Christine, pauvre Christine qui parle. Tu as vu mon message? Tu as vu mon message? Non, sacré plutôt, sacré. Sacré Christine. Moi, j'ai cru à tes gâteaux, je suis venu. Moi, j'ai cru à tes gâteaux, je suis venu. J'ai pas cru. On l'a demandé. C'est elle qui a demandé. Elle veut juste manger, Christine. C'est pour moi que c'est la fête tous les dimanches, toi, ça y est. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on disait? De la nature. Donc, j'ai dit, il y a trois éléments de la nature qui forment, le cycle. Dès qu'un s'absente dans le cycle, le cycle sera perturbé. Donc, c'est le cycle de l'équilibre. L'équilibre naturel, l'homme, l'animal et les végétales. Elle a parlé des sels. Je parle d'êtres vivants. Vous avez compris, des êtres vivants. Voilà. Donc, chacune de ces éléments-là ont une loi qui la gère, chacune. C'est-à-dire, la végétation a une loi. Les animaux ont une loi. Les humains aussi ont une loi. Celui qui perturbe beaucoup plus, c'est l'homme. Les autres sont régulés dans leur loi, et la loi, elle est presque parfaite, où il n'y a pas de... comment ça s'appelle? De intervention humaine. Voilà, il n'y a pas d'intervention. Intervention, voilà, extérieure. Donc maintenant, c'est pour cela qu'on parle d'écosystème. Quand on parle de la végétation, on parle d'écosystème. Bien sûr, des fois aussi, les animaux rentrent dans l'écosystème, les vers qui sont sous la terre, qui permettent à la terre de se fertiliser. Les plantes ont beaucoup de trucs que nous ne connaissons de. Certains disaient même que les plantes s'entraident entre eux. Oui. Il y a un rapport d'entraide entre les plantes. Ce qui est la mode aussi, c'est la communication entre les végétaux. C'est ça, exactement. Ça a été prouvé scientifiquement que les arbres parlent entre eux. Il y a une communication. Il y a un danger qui arrive. Voilà. Il y a un feu, tout ça, il se prévient. Et il y a un exemple qui se referme, ça peut se faire. Voilà. Donc, il y a ça. Eh oui. Ça a été prouvé scientifiquement. Eh oui. Il y a les animaux également qui ont un système très parfait, c'est les systèmes centralisés. C'est un système centralisé, ça veut dire sa petite groupe a son système entre elles, cette catégorie, et il y a le système général qui est le système animal. Vous voyez que les félins font toujours leur travail, et on disait que quand les félins voient un troupeau d'animaux qu'il doit chasser, ils ne prennent pas n'importe quel animal, ils choisissent. Donc l'animal qu'il va choisir, c'est l'animal qui entrave la continuité du groupe. Donc en fait, il rend service aussi au groupe, même si là, l'acte paraît être violent et barbare, parce qu'il tue. Alors que certains disaient que même quand il chasse un animal, quand il voit un animal enceinte, il ne la chasse pas. S'il chasse un animal enceinte, c'est qu'il va mourir de faim et il n'a pas le choix. Donc, il attaque. Donc, vous voyez, et l'islam, et donc, les êtres humains aussi doivent avoir cette règle entre eux. Et cette règle existe déjà naturellement. Mais au fur et à mesure que l'homme se civilise, au fur et à mesure qu'il laisse cette règle, au fur et à mesure que, voilà, j'ai dit le mot comme on dit, parce que se civiliser, déjà la civilisation est propre à l'homme. Il n'y a pas un être humain civilisé, et non civilisé plutôt. Tout le monde est civilisé. Donc la notion de civilisation qu'on nous avait mis dans l'esprit n'a pas de sens. Et d'ailleurs, c'est une perception aussi. Vous savez que les Allemands ont une définition de la civilisation qui est différente de celle des Français. C'est pas la même. C'est deux catégories, deux définitions différentes. Vous voyez. Donc voilà. Le système, cette règle que j'ai dit doit être, n'est que ces règles de la religion, n'est que ces règles-là pour réguler la vie des humains entre eux et entre eux et la nature. C'est ça, en fait, l'objectif de la charia, c'est l'objectif de l'islam. C'est régler les humains entre eux et les autres groupes. Vous avez compris? Et cet exemple-là, nous pouvons trouver ce point-là, nous pouvons trouver son exemple clair et palpable dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dieu a exigé la perfection dans toutes choses. Vous avez compris? Dieu a exigé la perfection dans toutes choses. Donc, dans toutes choses que vous faites, faites-le parfaitement. Ça veut dire que chaque individu parmi nous essaye, dans toutes choses qu'il fait, de le faire parfaitement possible. Et dit, quand vous égorgez, faites-le parfaitement. Quand vous tuez quelqu'un, faites-le parfaitement. Enregistré. Oui, comme ça. Donc, oui, mais c'est ça le hadith. C'est pas moi qui l'ai dit. Et dit la personne qui tue ou égorge, aiguise très bien son arme, sa lame, et repose la victime. Vous avez compris? La victime. Il peut être un humain ou un animal, pas les bourgeois. Hein. Donc, regarde, on va faire dire, mais attendez, ça c'est la preuve que l'islam est une religion barbare. Mm. Est-ce que vous avez compris? Égorger, tuer, c'est comme ça. Mm. Le professeur de la religion n'a trouvé aucun exemple que égorger et tuer. Vous avez compris? Mais en réalité, pourquoi le tuer et égorger est cité dans ce hadith-là? Ça veut dire que c'est l'extrême. Là où on n'attend pas la perfection, c'est là, même là, on la demande. Vous avez compris? Le hadith, bon, cherchez le texte du hadith, peut-être ça serait plus. Il dit, Dieu a exigé la perfection en toute chose. Quand vous égorgez, si vous avez égorgé, faites l'égorgement, égorgez parfaitement. Et si vous tuiez, tuiez parfaitement. Donc, égorger, c'est un animal, tuer, on parle d'un homme, d'un être humain. Donc, je dis, pourquoi il a cité ça? Il nous a démontré que la perfection est exigée absolument dans toute chose, même là où on est censé de ne pas l'exiger, qui est le fait d'égorger un animal parce qu'on est en train d'enlever une vie, qui est le fait de tuer un être humain, on est en train d'enlever une vie. Parce que quand on tue, on est sur la colère. Et dans cette colère, on ne demande pas de perfection. si vous me dites, mais attendez, pourquoi tu y es? Mais vous pensez que la vie est rose, que dans la réalité de la vie, ça n'arrive pas à un moment que les gens se tuent. Et dans la guerre, comment on va faire? On ne tue pas? Est-ce que vous avez compris? Donc, et quand il y a des peines, on ne tue pas? Voilà. Donc, ces gens, des gens vont vouloir vous attaquer là-dessus. Ils disent que montrer de la violence de l'islam. Ces mêmes gens, quand tu regardes, le français, l'État français fait la guerre dans les pays. Il en a toujours fait. Donc, ce que l'islam enseigne ici, ça veut dire que même cette personne qui est ton ennemi, ou tu considères ton ennemi qui est en guerre entre vous, il a un droit sur toi, même le moment que tu vas le tuer, ne le fais pas de n'importe quelle manière. Ne le fais pas souffrir. Donc, vous vous imaginez? Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Ça veut dire que, prenons l'animal qu'on va égorger, bientôt l'Aïd va venir. Nous avons le droit de manger la viande de cet animal. Dieu nous a permis cela. On est d'accord. Mais, on ne peut pas la manger si on ne la tue pas. Donc, de l'autre côté plutôt, il nous est interdit d'enlever la vie. Mais si on ne enlève pas la vie, on ne peut pas la manger. Donc, il va y avoir une contradiction. Vous avez compris? Non, mais là, c'est, on parle de la vie humaine. Même animale. Enlever la vie, même animale. On n'a pas le droit d'enlever n'importe quelle vie. Sauf dans certaines circonstances près. Et dans ces circonstances-là, quand on va manger la viande. Donc, puisque... Donc, regardez ici. Donc, les deux dilemmes, on nous donne une solution. Nous avons le droit de manger la viande, donc on a le droit de le tuer, mais nous n'avons pas le droit de torturer. On a le droit de tuer parce qu'on ne peut manger sans tuer, donc ce n'est pas le fait de le tuer qu'on va nous empêcher, mais c'est le fait de le faire souffrir au moment qu'on le tue. Parce que nous avons le droit de manger la viande, mais nous n'avons pas le droit de torturer. Comment on peut faire tuer l'animal, enlever sa vie, sans torturer, parce que dès qu'on l'a fait mal, c'est une torture. Comment on peut tuer l'animal sans la faire mal? Le sens de l'égorgement, c'est avoir le couteau bien aiguisé. Exactement. Et la carotide en même temps que justement, la donc c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il a parlé d'égorgement. L'égorgement se fait dans un endroit spécifique qui est la carotide, pas d'autre endroit. Donc la première condition, qu'elle soit égorgée. La deuxième condition, avant de l'égorger, il faut que la... Il faut pas qu'il voit les autres. Exactement, le couteau soit bien aiguisé. Et il faut éviter tout événement par lequel il va apprendre sa mort avant de mourir. Donc, pardon, excuse-moi, par exemple, quand on va se dire qu'on prend l'agneau et qu'ils égorgent, ils ont leur propre abattoir, c'est nous qu'on amène notre mouton, donc comme c'est à la chaîne, c'est pas bon. Ça ne peut pas dire que la viande est haram. Hein. Voilà, d'accord. On n'a pas le choix. Ça n'a rien à voir avec la viande. C'est un péché à part. Ah, c'est un péché quand même. Eh oui, c'est un péché. Non, tu tortures l'animal, en fait, tu lui dis. Il sait qu'il va se faire. Tu as le droit de manger sa viande, mais tu n'as pas le droit de le torturer. Mmh. Donc, le péché, c'est pas pour nous qu'il mange, hein. C'est pour ça qu'il mange. Le manger, pourquoi toi, le manger, tu as le péché? Parce qu'on en a connaissance. Donc, si on en a connaissance, oui. Et qu'on sait pertinemment que c'est ce qui se passe, donc quelque part. Tu veux ne pas manger de la viande? Puisque toutes les viandes sont comme ça, comme tu dis, qu'est-ce que tu vas faire? On n'a aucun péché de manger la viande parce qu'il a été torturé. On n'a aucun péché. Le péché, c'est sur la personne qui égorge d'une manière qui n'est pas bonne. C'est clair? Donc, vous voyez... Donc, regardez cette règle-là, on a pris en considération l'importance de l'animal et qu'on a un droit, mais ce droit crée un devoir. Le droit, c'est de manger sa viande, mais nous n'avons pas le droit de la faire torturer. Donc, le devoir de lui ôter la vie sans qu'elle ne soit torturée, sans qu'elle ne soit, elle sent mal. et la, l'égorgement, l'animal ne sent aucun mal, elle ne souffre aucunement. Vous allez voir que la lame a coupé, le sang a coulé, mais il y a la réaction de la, l'anesthésie locale qui intervient, qui fait qu'elle ne va pas sentir la douleur. Et avant que la douleur ne fonctionne, parce que la douleur marche avec le cerveau s'est déjà arrêté. La mort, c'est l'arrêt du cerveau. Et pourquoi, là, en fait, on en a déjà parlé, tu as des bêtes pendant 2-3 minutes, elles bougent encore, même qu'ils marchent. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est vraiment que le nerf, il n'y a pas autre chose qui... Bien sûr, c'est la vie. Ils se remettent sur des pattes. Mais c'est la vie qui est en train de sortir. Quand la vie sort, ce n'est pas facile. Mais ça ne veut pas dire qu'il a mal. Ça veut dire que c'est un... Quand le sang se vide, la douleur vient du cerveau. D'accord. C'est le cerveau qui détecte la douleur. D'accord, oui. Voilà. Donc, puisqu'il n'y a pas... Et le cerveau a besoin du sang pour fonctionner. Et on a court-circuité le sang qui va sortir ici, qui ne va pas au cerveau. Donc, il n'y aura pas de douleur du tout. C'est juste... Non, moi, j'ai compris. Le temps que le sang se vide, il y a la douleur. Il n'y aura pas. Il y a l'anesthésie locale. C'est comme une anesthésie. L'anesthésie. Ah, l'anesthésie prend un peu de temps. Après, il passe. Avant que l'anesthésie ne passe, le cerveau s'est déjà arrêté. Et c'est fini. Il n'a rien senti. Sauf si, au départ, la manière dans laquelle on la prend, avec violence, il va sentir qu'il va se faire tuer. Il va avoir peur. Donc c'est ça qui va, c'est cette peur-là qu'elle va, elle n'aime pas la douleur. Donc, dès qu'on donc la il faut qu'on on fait on met une situation en place qui fait en sorte que l'animal ne va même pas savoir qu'il sera tué. Donc là, pourquoi ne pas mettre un rideau que quand un passe, le rideau se ferme directement. Les autres ne voient même pas ce qui se passe là-bas. Bien sûr. Oui, mais si on le met loin, les autres ils sont d'un côté et les autres d'un autre côté. Non, mais quand tu la mets déjà, c'est. En fait, il y a aussi certaines choses qu'il ne faut pas oublier. C'est notre circonstance de vie en grande ville. C'est ça qui fait tout ça. Hein? Voilà. Comment on fait? On peut rien faire. Si tu peux trouver une autre solution, justement, en fait, c'est ces difficultés-là qui font que les gens vont être obligés de s'organiser, de chercher d'autres solutions et de ne pas accepter juste pour dire je le fais quand même comme ça. Essayer de réfléchir à trouver des solutions. Quand tu as tous les éléments et que tu as. Tu sais. C'est pour cela, moi, je suis contre certaines. Je suis contre certaines fatwas qu'on fait uniquement pour faciliter les choses aux musulmans. En fait, ce qui facilite, il est en train de rendre difficile. Il ne facilite pas, c'est pour le profit en fait. Non, c'est vrai. Azoug, il fait, c'est pas pour faciliter. Non, pas que pour la Eid. Je parle dans les choses générales. Par exemple, regarde quand on parle de la prière à l'école et toutes ces choses-là. Certains demandaient aux travailleurs de regrouper les prières. Bien sûr, les travailleurs trouvent des difficultés dans la prière, je suis d'accord. Mais jusqu'à quand on va continuer à regrouper les prières? Un travailleur, c'est à vie. Et Ali, il va continuer à regrouper la prière. Et il faut qu'il y ait un peu de résistance. Parce que quand il y a résistance, elle crée des situations et des problèmes qui poussent les gens à vouloir... Ça va se faire savoir. Et quand ça se fait su, eh bien, les élus et les gens vont bouger pour trouver une solution. Mais si on dit chaque fois les compromis se passent chez les musulmans, on fait ceci, cela, eh bien, ça va continuer... Et chaque génération qui vient subira ce que les anciens ont subi. Mais il faut une génération qui se fait sacrifier pour que les autres vont... Moi, je pense que le problème du voile, même si elle a été un peu difficile, mais elle a créé quand même des circonstances ambiantes qui ont fait que les gens ont pris conscience de certaines choses, de certaines réalités de la France, je vais dire, qui est un pays laïque, mais... qui doit appliquer la laïcité véritablement. Voilà. C'est pas la laïcité anti-laïque même. C'est même anti-la laïcité. Quoi. Elle est contre cette laïcité, elle est contre la laïcité en soi. C'est pas de la laïcité. Donc, voyez. Donc, certaines luttes qui ont été difficiles ont poussé à quelque chose. Donc, si on continue dans la passivité, je pense qu'on va nous traîner vers le bout. Est-ce qu'un jour, on va nous demander de faire la prière du Jumu'ah le vendredi, le samedi et le dimanche? Voilà, pour permettre à tout le monde de faire la prière. Voilà, vous voyez. Donc c'est ça. Donc c'est la même chose. La viande halal aussi. Il y en a qui farouchement combat la viande halal. Alors que la viande halal, il n'y a aucun problème pour la personne qui n'est pas musulman. Vous avez compris? C'est-à-dire la personne qui n'est pas musulman mange la viande halal, mais il n'y a rien de problème. Mais certains entendent le faire un gros problème dessus. D'autres sont en train de mentir, dire que le halal finance les mosquées, mais qui t'a dit ça? Parce que tu l'as entendu. On revient à notre cours. Qu'est-ce qu'on disait? Où est-ce qu'on disait? Le cycle d'engendrement. Donc j'ai dit, voilà, c'est trois cycles, c'est trois éléments. Ces trois éléments, c'est elles qui jouent la perfection ou bien l'équilibre de la nature. Mais pourquoi il y a des hommes qui ressentent pas le besoin de du retour à la nature? Non, c'est pour ça que j'ai parlé de civilisation. Au fur et à mesure que l'homme prétend être civilisé, au fur et à mesure qu'il devient individuel, individualiste. Et donc, il va être individualiste même à l'égard des humains, après forte raison des animaux. Ça veut dire, c'est lui seulement qui compte, il s'en fiche des autres. Donc l'animal, on n'en parle même pas. Mais là, ils sont citadins, ils n'ont pas besoin de la nature. Non, mais justement, ta question. La nature est une partie de nous-mêmes. C'est ça que je voudrais dire. Donc, ce cycle-là, c'est elle qui, l'équilibre naturel. Ça veut dire, l'homme est un animal de la nature. Sans l'homme, l'équilibre de la nature ne peut pas. Il ne peut pas avoir d'équilibre de la nature. Il va avoir perturbation de la nature. Sans l'animal, il ne peut pas avoir l'équilibre de la nature. Sans la végétation, il ne peut pas avoir l'équilibre naturel. Donc, les trois, dès qu'un s'absente, il n'y aura pas de l'équilibre naturel, ça va avoir une perturbation naturelle. Donc, ces éléments qui sont l'homme, l'animal et la plante, c'est eux les éléments de la nature. Donc, cet homme-là que tu dis, il devient individuel, il n'a pas besoin de la nature. Non, la nature est un besoin en lui. Et c'est pour ça que nous voyons que l'homme, toujours, même si quand il se sépare de la nature, il va vouloir amener la nature avec lui. Parce que lui et la nature est un, il ne peut pas se séparer. Donc il va amener des pots de plantes à la maison. Voilà, des fausses plantes. Non, mais vrai, pas forcément. Ça là? Les gros fleurs. Ah non, au milieu, non, c'est des fleurs, voilà, c'est faux. Mais voilà. Là, c'était presque. Là, il y a trouvé. Ah oui, bien sûr. Donc, vous voyez, parce que naturellement, l'homme est de la avec ses natures. Vous voyez, il y a des chats qui tournent, l'animal. L'homme veut que l'animal vienne vivre avec lui, même s'il a abandonné la nature. C'est naturel chez l'homme. Mais regardez, quand on parle aux jeunes de cité de la nature, ils s'en foutent. Oui, mais peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que c'est la nature. C'est même pas ça encore. Je dis, la nature est un besoin en toi. Tu ne te rends même pas compte. Ah, tu ne te rends pas même pas compte. Tu ne peux pas vivre là où il n'y a pas la nature. L'essentiel, c'est la nourriture. Déjà, la nourriture, à la base, c'est la terre qui te donne ça. Nature, c'est ça. Tu ne peux pas vivre là où il n'y a pas la nature. C'est comme ça. Donc, c'est pour cela, justement, ces gens-là qu'on avait dit ont compris que l'homme, la nature est une nécessité pour l'homme. C'est par l'un de la nature, il va rechercher la nature. Après, vous allez marchander, vous allez transformer la nature pour une marchandise parce qu'elle est nécessaire pour l'homme. C'est comme ça. Donc, vous avez compris. Donc, après, l'homme va créer des situations qui perturbent catégoriquement la nature, des fois même en pensant se lier à la nature. Le chien est devenu la compagnie de l'homme, alors qu'auparavant, le chien, c'est pour la chasse. Pourquoi la France a beaucoup de chiens? Parce que la France était un pays de chasse. Chaque famille de Français avait un chien. Donc ils chassent avec. Maintenant, il n'y a plus la chasse, mais le lien avec le chien va rester toujours d'une autre manière. Parce qu'il ne les mange pas aussi. Il y a des pays où il les mange. Pourquoi pas de chien? Mais vous avez compris. En fait, le rapport entre l'homme et l'animal, ce n'est pas l'amour. C'est le besoin. L'homme a besoin de l'animal. Donc, aujourd'hui, l'homme qui a abandonné la nature est devenu tout simplement la relation de cœur avec l'animal parce que l'animal n'est plus utile pour lui. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors qu'en réalité, ce qui est entre l'homme et l'animal, c'est l'utilité de l'animal. Oui. Je veux dire, donc, à contrario, c'est l'homme qui se qui s'occupe de lui-même et de l'autre homme, qui n'aura pas besoin de la nature et de l'animal. Exactement. Et l'animal en soi n'est pas besoin de l'homme. Si, pour le nourrir et tout, le chien, il faut le sortir, il faut le nourrir et tout. C'est nous qui avons fait qu'ils ont besoin de nous. Tout à fait. En réalité, ils n'ont pas besoin de nous. Un poisson, il faut le changer d'eau. Ça a déçu. Parce qu'il n'est pas dans le champ. Mais parce qu'il n'est pas dans son environnement. Si vous détachez les chiens maintenant, certains vont crever. D'autres vont se trouver des solutions pour trouver une solution. Si, soit il attaque les humains. Pour survivre. En fait, si on le laisse dans la nature, il peut devenir sauvage, en fait. Mais bien sûr. Bon, le chien que nous avons n'est pas sauvage, il est domestique. Mais il y a les chiens sauvages. C'est un animal qui a été domestiqué très tôt. Le chien et le chat sont les premiers animaux domestiqués. Justement pour cette... Surtout le chien, pour la raison de la chasse. Et le chat? Le chat aussi... Dans les grandes civilisations, on a vu, chez les Égyptiens et tout ça, il y a les chats. Mais le chien est plus ancien. Ils chassaient les souris pour pas que ça attaque la farine. Mais le chien est plus ancien, parce que le chien, il est vital pour l'homme. Depuis que l'homme chassait, il ne peut pas courir derrière les gazelles. Donc il a adopté le chien pour chercher. Pour pouvoir chasser pour lui. Mais tous les animaux sont domesticables? Non, oui, ils sont tous domestiquables. Mais il y en a certains, il y en a qui domestiquent le serpent. Mais il y en a certains, leur domestication est dangereuse, telle que le serpent. Ou le lion. Ou les félins. Ils reviennent à leur rester un animal. Certains, ils peuvent attaquer. Mais ça veut dire qu'ils ne ressentent pas de l'amour, non, pour les être humains? Non, c'est qu'ils ont un milieu naturel dans lequel ils doivent rester. Parce qu'il y avait une histoire où un couple, ils avaient gardé un gros serpent. Et du coup, le serpent, il a mangé l'enfant. C'est possible. Même un chien a fait ça. Oui, j'ai vu un chien. Il envoie aussi des vidéos. Des fois, c'est les sentiments de l'animal. L'animal, en fait, l'animal aussi, il se met en colère. Dans les cirques, généralement, ce sont les lions, les tigres qui tuent les maîtres animaux. Là. Parce que quand tu lui donnes deux ordres à la fois opposés, l'animal ne sait pas quoi faire. Le problème, c'est qu'il le frappe. Donc du coup, il se met en couleur. Et même dans les parcs, Marine Land, tout ça, il y en a, ils ont voulu... Les requins. Les orques. J'avais lu un article, ils avaient les orques. Les grosses baleines. Les grosses baleines blanches et noires. Les noirs, blancs, là. Ouais, au sauvage, là. Et du coup, il a voulu noyer le maître. Le nageur. Ouais, le maître nageur, parce qu'il donnait des ordres. Même, ils sont déprimés dans leur petite... C'est ça. C'est pas leur environnement. Justement, c'est qu'il est énervé. Éthiquement, est-ce qu'on peut se rendre dans ces endroits-là? Après, ça, c'est une question. Après, parce que les zoos... En tout cas, ce n'est pas permis, ce n'est pas permis d'utiliser les animaux que pour jouer, pour faire divertir l'homme. Islamiquement, c'est interdit. Donc ça veut dire que les zoos et les trucs comme Marine Land... En tout cas, islamiquement, c'est interdit. L'animal doit être libre. Et on ne prend l'animal que dans la nécessité. Tout. Même les oiseaux. L'animal, on n'a pas le droit de le garder que dans des objectifs quelconques. C'est-à-dire de nécessité. Le faucon, on l'utilise pour chasser. Les chiens également. Les chats, pour qu'ils mangent les insectes dans la maison. Qu'ils nettoient, lui aussi, en train de faire un travail. Voilà, des choses comme ça, les animaux mammifères, les vaches, les moutons, chèvres, on utilise leur laine, on mange leur viande, on boit leur lait, ainsi de suite. C'est dans ces fins-là que l'homme a le droit de garder un animal, sinon on le laisse dans la liberté. Il va aller librement vivre sa vie comme nous avons le droit de vivre notre vie. C'est bon, je crois qu'on est sorti de notre cours pour entrer dans d'autres choses. Donc, on était dans un point, on est sorti pour entrer dans un autre, pour entrer dans un autre. On était d'abord, le départ c'était que le passé nous rattrape. Après, on a parlé de la perception et que certaines situations deviennent une réalité alors que certaines choses deviennent une réalité. Alors que ce n'est que la perception. Donc la perception devient une réalité des fois. Il faut faire la différence entre la réalité et la vérité. La réalité et la vérité sont différentes. Ce n'est pas toute vérité, toute réalité qui est vérité. bien sûr aussi, certaines vérités ne vont pas être réalité. Mais si toute vérité n'est pas vérité. Toute réalité. Ah, pardon, d'accord. Oui, réalité. Toute vérité. Toute réalité n'est pas une vérité. L'erreur n'est pas l'inverse de la vérité, mais l'erreur est le chemin qui mène à la vérité. Qui mène à la vérité. Du coup, ça les oppose. Ce n'est pas l'opposé de la vérité. Oui, voilà. Exactement. Eh oui, parce qu'on pense qu'il y a que la chose et son contraire, alors que certaines choses n'ont pas de contraire. Ça permet de contraire. Voilà, c'est pas le contraire. Mais c'est un chemin, c'est une étape en fait qui permet. Ça a été justement le fait de cette mauvaise perception de la réalité, de la vérité, ça a été un peu le début de la modernité, non ? Je n'ai pas compris. Quand Descartes, il a dit « je pense, donc je suis ». À partir de là, ça a été le problème de la réalité et de la vérité. Oui, en fait, Descartes, lui, la réalité... C'est vraiment le cheminement de tous les grands savants. C'est vraiment le grand parcours que beaucoup de savants ont suivi. On nous a parlé beaucoup de Descartes parce qu'il a écrit son livre. Alors qu'on a Ghazali qui était avant même Descartes, qui a écrit la même chose que Descartes, que certaines personnes pensent même que Descartes n'a fait que prendre de chez lui, de ses Ghazali. Mais ceci ne veut pas dire que Ghazali est le premier innovateur de cette conception. Je pense que c'est la conception de tous les savants qui ont précédé, qu'ils soient musulmans ou pas. Grecs. Oui, exactement. Ça veut dire la recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité, qu'est-ce que tu as dit, j'ai oublié. Alzheimer. On disait que justement que cette recherche de la réalité... Le rapport de la réalité à la vérité. Voilà. Donc... ça veut dire tout simplement que, et justement, c'est ça qui est très intéressant, dans la parole de Descartes et de Ghazali, il faut que nous prouvons chaque vérité que c'est une vérité avant de l'adapter comme une vérité. Si on n'a pas la preuve de sa véracité, on ne peut pas la considérer comme une vérité. Vous avez compris ? Oui. Donc, et ces choses-là qu'on est en train de dire sont très importantes. Est-ce qu'on est objectif, nous, pour pouvoir savoir si c'est une vérité ou pas, ou est-ce qu'on doit faire appel, justement... J'ai pas compris. Est-ce qu'on est objectif, nous, pour savoir si c'est une vérité ou pas, est-ce qu'on doit faire appel à quelqu'un, par exemple, qui aurait de meilleures compétences, en fait, ou un très savant bien. Moi, je me suis posé la question, comment peut-on définir la vérité ? Par quoi ? En fait, chaque chose a besoin d'une règle de base auquel il se relate. Justement, qu'est-ce qui fait la différence dans la réalité et la vérité ? La nature, elle nous définit la vérité. Est-ce que vous avez compris ? La nature nous définit la vérité. Tandis que la réalité, c'est tout simplement ce qui est ambiante. C'est la perception. La réalité, c'est ce que nous voyons, nous pensons, et que tout le monde croit. C'est la banalisation de la perception. La banalisation d'une perception. Quand une perception se banalise, elle devient une réalité concrète que tout le monde voit. Là où tu vois, à qui tu parles, il pense il voit de la même manière. Maintenant, elle n'est pas forcément vraie. Tel que l'exemple qu'on avait de l'été avec ses habits. Vous avez compris ? Oui. C'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Donc là, vous voyez le rapport entre la réalité et la vérité. Maintenant, nous, hommes, ce qui nous est utile, ce n'est pas la réalité. C'est la vérité. Si je peux me permettre, oui. Mais les animaux, par exemple, quand il fait chaud, ils ne vont pas se couvrir ou pas se couvrir. Ils vont rester à l'identique. Donc du coup, la réalité, ça va être qu'il fait chaud. Ils vont se mettre à l'ombre, par exemple, des fois. On ne va pas voir s'ils se couvrent ou ne se couvrent pas. Donc du coup, comment on peut dire que la vérité, c'est de se couvrir quand il fait chaud ? Parce que là, si on arrive à l'exemple, on reprend l'exemple du départ. Mais les exemples qu'on avait donnés... Que ne pas se couvrir expose notre peau aux rayons solaires. Donc c'est l'inverse en fait. On fait un raisonnement par l'absurde et du coup on dit que comme ça c'est faux. Donc ça c'est vrai. Parce qu'à la fin, le bien c'est quoi ? C'est ce qui est bien pour dans la vie de l'homme qui a des effets positifs dans la vie de l'homme. Donc je reviens à ce que je voudrais dire. Je voudrais dire que c'est très important de connaître d'abord la différence entre la réalité et la vérité et en même temps connaître l'effet de la perception dans la société. Elle est très importante. L'effet, elle apostrophe. L'effet, exactement. Parce que, Yanni, notre bonheur et notre malheur, en réalité, est le fruit de notre perception. Si vous êtes malheureuse, c'est parce que dans votre perception, ce qui vous a rendu malheureuse est malheureux pour vous. Quelqu'un peut la même chose la percevoir comme un bien et sera heureux. Donc en réalité, le malheur et le bonheur, si vous voulez, elles n'existent pas. Ça dépend de la perception. C'est une perception. Dès que vous voyez quelque chose, donc pour ne pas être malheureux, essayez de changer votre perception à l'égard de la chose. Et vous allez voir que le malheur que vous considérez malheur n'est plus du malheur. Une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé, parce que c'est une femme qui est possédée par un djinn, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire une invocation pour qu'elle soit guérie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la femme, je vais te faire l'invocation, mais si tu te patientes, c'est mieux. Mais si tu quoi? Tu te patientes, tu vas au paradis, tu auras le paradis. La lèpre, non? Hmm? C'est pas les pieds non, aussi non. Non, oui, c'est ça. C'est le truc de Génois. La femme a fini par accepter et de patienter. Elle a seulement demandé au prophète de invoquer pour qu'elle ne la dénude pas. Donc, vous voyez cette histoire. Regardez, la maladie, c'est du malheur pour nous dans notre perception. Mais cette maladie va devenir du bonheur parce qu'elle fait, elle va être le moyen qui l'amène au paradis. Vous voyez, donc, tant qu'elle va continuer à penser que c'est un malheur, elle va souffrir. Tant qu'elle va continuer à dire que cette maladie m'amène au paradis, elle ne souffre pas. Et le fait de ne pas souffrir le permet, lui donne la capacité de supporter. Donc, quand on voit que les gens, des fois, ils ne sont pas capables de supporter certains malheurs, c'est aussi le fruit de cette perception. Au fur et à mesure que tu vois que c'est un grand malheur, au fur et à mesure que la tristesse grandisse, et c'est ça qui fait en sorte que tu n'es pas capable, au fur et à mesure que tu vois que ce n'est pas de malheur, au fur et à mesure que la tristesse devient moins. Donc, vous voyez. Et ça va rejoindre ce que nous avons dit la semaine passée. Quand on parlait de la prédestination, le doigt, quand on invoque, quel est notre objectif? C'est que Dieu fasse justice, n'est-ce pas? Donc, on a, dans l'idée de ce que la personne a fait, Dieu va nous donner en échange quelque chose qui nous permet de supporter. Donc, il nous donnera une perception positive à l'égard d'un événement qui fait que nous serons capables de supporter cet événement. Vous avez compris? Vous savez que la perception a de lien même avec des choses qu'on ne peut même pas penser. La douleur, par exemple. Ah ouais. Eh oui. On sent mal, moins, dans certaines circonstances, la douleur. Vous savez, elle va anesthésier. Vous avez compris. Donc, voilà. Ça, c'est un effet de la perception. Également, dans l'effet social, la banalisation des conceptions et des perceptions devient un effet social qui devient une vérité qui n'est pas une vérité. Et là, tu vas voir que les gens vont faire des choses bêtement alors que les conséquences sont dramatiques. Et on le voit. Aujourd'hui, la majorité des gens agissent de cette manière. On envoie quelque chose à la télévision, tout le monde sort, le demain matin répète la même bêtise. Vous avez compris? Ça devient une perception de la vie qui va se banaliser et devenir une réalité. Et personne ne se casse la tête ça pour dire, mais est-ce que cette chose-là peut être vraie? Parce que du moment où vous posez la question si c'est vrai ou faux, c'est fini. Vous allez trouver la vérité, vous allez trouver la solution. Oui. Les traditions, c'est une forme de conception banalisée. Exactement. C'est aussi une forme de conception banalisée qui a pris le but de quelque chose et au fur et à mesure et finalement la deuxième perception qui se banalise que les gens ne voient pas quelque chose de bien en dehors de cela, mais en réalité c'est pas vrai. Mais dans le rapport humain-humain, par exemple, entre c'est deux êtres. C'est quoi ça? Jus d'orange. Jus d'orange. Elle a quelle couleur? Orange. Beau ou pas beau? Je sais pas. Hein? Une belle couleur. Mmh, hein? Une belle couleur. Hein? C'est une perception. Voilà, exactement. Le fait qu'elle est jeune est une réalité, mais le fait qu'elle est beau est une perception. C'est pas vrai. Quelqu'un peut le voir pas beau. Ah voilà, c'est vrai. C'est pas. Donc c'est ça la perception. Tout ce qui est lié à beau, joli, tout ça. En fait, je veux dire jugement. Ça fait souvent appel aux émotions, d'ailleurs. Hein? Ça fait appel aux émotions. Qui suscite l'émotion. Donc tout ça, c'est des perceptions. C'est la perception qui fait cela. C'est bon? Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est parti. S'il y a une question, je vous écoute et moi, je finis. Même le beau, vous me dites le beau dans la société, elle était, ça a formaté aussi notre perception. Le quoi? La beauté. C'est une perception. Ils l'ont formaté pour quoi? C'est une perception qui peut se banaliser. Voilà. La beauté de la maigreur est une perception occidentale qui s'est banalisée dans même certaines sociétés qu'auparavant, la maigreur ne considérait pas considérée. Même en Europe. Même en Europe, la maigreur n'était pas considérée comme un signe de beauté, c'était le contraire. Exactement. Comme le bleu pour les garçons, le rose comme pour les garçons et les roses pour les filles. C'est une manipulation. Tout simplement. Il y avait un reportage d'une femme en Afrique, et l'Africaine, elle lui disait, mais il faut que tu te scarifies parce que tu n'es pas belle comme ça. Elle lui dit, tu n'es pas jolie, il faut te faire des exactement. Traits, il faut te trouver des oreilles et tout. Exactement. Elle était moche, hein, pour la tribu, pour elle était pas belle. Exactement. Donc elle va se défigurer pour être belle. Exactement. Donc vous avez compris? C'est comme ça. Donc, ça crée des troubles après. Non, ça ne crée aucun trouble. C'est la perception tribale. Le trouble se crée quand elles sortent de leur tribu. Pour aller dans une autre tribu où on va juger ça. Les bases qu'elle croyait, qu'elle avait la certitude, elle va trouver que les gens s'opposent à ça. Et ça lui fait une perturbation. S'il y a un problème, c'est ça. Mais tant qu'elle est dans sa tribu, il n'y a aucun problème. Voilà. J'ai une question. Dans le cycle dont vous parlez, le cycle avec les animaux, humains, animaux, végétaux, où est-ce qu'on peut placer les éléments comme les saisons ou, ça, c'est pas des éléments, c'est phénomènes. En fait, c'est des phénomènes. C'est pas des choses réelles. Parce que vous voyez, c'est pas des choses réelles, c'est des cycles saisonniers, c'est des cycles comme des saisons, c'est le temps, c'est lié au temps. Oui. C'est lié au temps. Donc, il y a les événements qui sont tels que le vent, la chaleur, ainsi de suite. Et il y a aussi le temps. Donc, c'est ces éléments-là, donc les éléments physiques, biologiques, plus les événements et le temps. Voici les trois éléments qui fonctionnent également, qui forment ce qui existe. Les éléments naturels biologiques. Donc, dans ces éléments naturels biologiques, il y a beaucoup de choses. Il y a premièrement une première catégorie, donc la matière biologique morte et la matière vivante. La matière morte, quand je dis morte, par exemple, l'eau. L'eau, par exemple. Mauvais exemple. En plus, c'est un truc qui vient. Mauvais exemple. Elle est morte parce qu'on la traite. Mais quand je dis morte, en fait, c'est quoi signe de la vie? Il y a plein d'informations. Là. Non, je ne dis pas que ce n'est pas le problème d'information. Mais le signe de la vie, c'est d'abord un élément qui évolue dans le temps, qui va évoluer, donc il augmente. Ça, c'est un. Il procrée. Il meurt. L'eau ne subit aucune de ces trois-là. Elle n'évolue pas. L'eau est comme elle était depuis le commencement de la création. Les pierres, pareil. Le petit caillou là que tu vois derrière la cour ou que tu as vu devant là, existe ici avant. Elle existe dans tous les cas. Peut-être qu'elle a été transformée, transportée, mais elle a existé comme tu la voyais. Depuis le commencement, depuis très longtemps, des milliers d'années, peut-être des millions d'années. Donc, vous voyez, c'est donc C'est ça que j'appelle l'art. Tel que le sable n'est pas une... Tu le laisses, elle va pas augmenter, elle ne diminue pas. Elle est comme elle est. Elle ne change pas. C'est ça que j'appelle la matière morte. Donc l'eau fait partie de cette matière morte. Après, les matières vivantes, c'est ça qui est composé de trois. Peut-être il y a d'autres aussi. Et donc l'humain, l'animal, la plante, c'est les matières vivantes. Donc ça, c'est comment on appelle ça ? C'est les matières biologiques. Je veux dire, la matière, c'est la matière. Après, de côté, il y a les phénomènes. Donc, ces phénomènes-là, qui sont la chaleur, le vent et toutes autres choses. Après, nous avons le temps. Donc, la combinaison de ces trois-là, c'est justement, je peux même dire que c'est elle qui constitue la vie en soi. Parce qu'il faut une matière. Vous voyez, les matières vivantes, elles ont du liquide, elles ont de l'eau à l'intérieur. La composition doit être de l'eau. Il doit avoir de l'eau dedans. Il y a de la matière. Il peut avoir aussi les autres composants qui sont les événements, tels que de l'air à l'intérieur, quelque part, je ne sais pas. Donc, tout cet ensemble-là va créer la vie à l'intérieur. Donc, c'est ça que je voudrais dire. Donc, il y a ça à part. Et quoi encore ? Mais c'est fini. C'est où même la question ? C'était qui a posé la question ? C'était quelles étaient les influences climatiques, voilà. Les saisons et tout ça. Eh bien, ces influences, justement, donc ce qu'elle a appelé influence, c'est elle qui constitue, si vous voulez, les résultats, l'énergie. L'énergie. L'énergie vient de ces influences-là. Vous voyez, la vie, c'est comme une forme d'énergie qui fait motiver l'élément vivant. Vous voyez ? Donc, ces influences créent l'énergie. Quand le vent souffle, il prend quelque chose. Si la chose tape quelque chose, il peut le casser. Vous avez compris ? Donc, cet élément qui a tapé, même le vent en soi, c'est, c'est quelque chose. Donc, vous voyez, elle a une force. La force, c'est l'énergie. Donc, vous voyez, donc, c'est ça. C'est là que l'énergie se manifeste. Il y a des versets sur ça dans le Coran ? Bon, le Coran a parlé de la composition du vent qui va mener au regroupement des nuages qui va faire tomber la pluie. C'est de l'eau. Hein ? Le Coran a parlé de ça. Vous voyez. Mais le moteur fondamental, il le relate toujours à Dieu. C'est Dieu qui a fait souffler le vent, qui a organisé, il dit, les nuages et qui a fait pleuvoir. En fait, Allah Ta'ala dans le Coran, il parle à la hauteur de l'homme à qui il parle. Donc, il ne lui parle pas de certaines choses subtiles, qui sont très subtiles dans sa vie, qu'il ne comprend pas. Regardez quand ils ont demandé au Prophète, la lune, le croissant de lune. Qu'est-ce qui fait que ça commence petit, ça diminue au fur et à mesure et ça devient très petit. Après, non, ça augmente jusqu'à ce que ça devienne complet, donc pleine lune. Après, ça diminue jusqu'à ce que ça s'anéantit catégoriquement. Qu'est-ce qui fait ça ? Dieu n'a pas répondu à cette question. Il leur a dit, on te demande à propos de la croissance, du croissant de lune, c'est pour mesurer le temps, point barre. Maintenant, les raisons, il n'a pas dit. Parce qu'à sa hauteur, il n'a pas la capacité. Donc, c'est pour cela qu'il n'a pas parlé des composants très compliqués qui conduisent, par exemple, à certaines énergies, à l'énergie, et ainsi de suite. Donc, en général, il a parlé de la vie dans sa composition très rudimentaire. Vous voyez. Donc, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du ventre de la femme qui donnera un bébé ? Il n'a pas dit. Est-ce que vous avez compris? Mais les éléments conçus par les gens à l'époque qui donnent la vie, il l'a dit. Donc c'est ça. Je vous écoute. Moi j'ai une question par rapport au cours précédent. Peut-être que j'ai mal compris, je ne sais pas, mais ça va beaucoup chambouler. Elle va nous envoyer... dans une longue réflexion de laquelle on ne va pas sortir. Les invocations, c'est bien, je ne pas sortir. Je ne demande plus, j'exprime pour qu'on passe à lui. Je ne vous ai pas dit de ne pas invoquer. Oui, parce que, comme vous avez dit que Dieu, il a programmé un destin à chacun. Oui, ça c'est clair. Et en fait, nos invocations, on pense qu'elles sont répondues, parce qu'il y a juste concordance avec ce qu'on a demandé. Oui. Mais, c'est-à-dire qu'il nous a répondu avant qu'on demande. Enfin, il nous donne sans qu'on demande, tu veux dire. Voilà. Donc, du coup, moi, pendant mes prières, ça ne sert à rien que je reste. Bien sûr, ça sert. Beaucoup même. Et je vous ai expliqué quelque chose la semaine passée. J'ai l'impression que ça m'a levé à un pouvoir de changer mon destin. Non, le destin, tu ne peux pas le changer. Si l'objectif du doigt c'est de changer le destin, ben, repose-toi. Le destin, tu ne peux pas le changer. C'est nous qu'on change, en fait. C'est voilà. notre individu. Exactement. Donc, quand je demande et que je reçois exactement la même chose, ce n'est pas parce que j'ai demandé. Ça ne vient pas de peut-être moi. Même si tu n'avais pas demandé, tu l'auras. Qu'est-ce qu'on fait? J'arrive même ça. Oh, c'est quoi ça? Il y a déjà des trucs dedans. Je sais pas. Je savais pas. Il y avait de l'eau peut-être. Il y avait de l'eau. Non. C'est pas que change de verre. Change de verre. Pourquoi je vais changer de verre? Ça va être moi. C'est moi qui veux le boire, c'est pas toi. Ça tombe bien. Pas pour moi. Je dis, c'est pour toi, pas pour moi. Ça c'est très important, franchement retenez ça, ne l'oubliez pas. Ben, elle parlait du cours de la semaine passée, quand on disait le bien, ou bien l'intérêt plutôt, que signifie l'intérêt? Et que quand on parle de l'intérêt, je crois qu'on avait intérêt, non? Oui, ce qui est profitable. Le profit, voilà, très bien. Que le profit, la définition du profit qu'on a fait la semaine passée, c'est de ça qu'elle parle. On a dit que le profit, c'est ce qui est profitable pour la vie d'ici-bas et l'au-delà, ou pour que la vie de l'au-delà, mais pas pour l'un ou l'autre. Donc c'est de ça qu'elle parle. Mais là, pour revenir à votre question qui vous perturbe toujours jusqu'à présent, l'invocation va-t-il changer le destin? Nous avons dit non. Et en même temps, on peut dire oui d'une autre manière. Ah, bon, oui ou non? D'une autre manière. C'est non. D'une autre manière. Justement, c'est pas si simple, en fait. C'est pas tout blanc ou noir. C'est ça le problème. C'est qu'on attend toujours des réponses ou non. Tranché. Le noir ou le blanc. Voilà, tranché. Ou quelque chose de la couronne. Tranché. Bon, je finis avec ça, sinon tu vas me perturber. Hein. Dieu exige la perfection dans toute chose. En toute chose. Oui. Donc, les doha, est-ce que ça doit être fait, demandé dans la... Non. Il y a la perfection. Tu fais très bien. Il faut que tu fasses les doha très bien. Je suis en train de boire de l'eau, il faut que je le fasse très bien. Je mange, il faut que je le fasse très bien, elle mange, il faut qu'elle le fasse très bien. Vous avez dit qu'en réalité, ça ne servirait à rien de détailler nos invocations, parce que Dieu, il a déjà... J'ai lu une je ne sais pas si je parlais de détailler. Non, moi, détailler, ça ne parle pas. Je n'ai pas parlé de détailler. Ça ne sert à rien de demander les choses... Oui, elle a entendu ça, elle a vu ça dans les rêves. Non, à un moment donné, c'était de dire et je voudrais ça, que voilà, soit blanc, que je bois à 8 ans. Voilà, exactement, c'est... donc peut-être c'est ça. C'est ça qu'on doit faire, on doit détailler. Non, justement. Écoutez, je vais essayer de vous expliquer, vous faire comprendre. Quand je dis oui et en même temps, peut-être non. En fait. Il a dit peut-être non, maman. Je ne sais pas si elle a entendu. Tout à l'heure, c'était non. Après, c'était peut-être oui, mais non. Et maintenant, c'est peut-être oui, mais peut-être non. Oui, tu veux dire ça parfaitement. Bon, si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez pas comprendre. Alors, si chaque mot que j'ai dit, vous tenez de vous arrêtez dessus, je crois que... Non, mais les mots, après, moi, je considère que les mots que tu dis, ils sont importants. Oui. Après, si la semaine dernière, tes catégories, tu dis non, c'est juste que, qu'il faut que tu comprennes que ça nous interpelle. Mais écoutez, et que là, tu dis... Laissez-moi non. parler de là-bas, peut-être ce que je vais dire aujourd'hui est la même chose que j'ai dit hier. On enregistre, hein, parce que... peut-être ce que je vais dire aujourd'hui va être la même chose que j'ai dit la fois passée. Oui, certainement, mais c'est clair qu'on va arriver à ce résultat. Écoutez, mais dit différemment, peut-être que nous, ça va... Voilà, ça va nous aider. Hein. Perception encore. C'est ça. Donc... c'est notre faute. Ce que allez, je voudrais vous dire... C'est que premièrement, premier point. Allah Ta'ala tout à l'heure a dit dans le Coran. Innama amru iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ce que Dieu veut faire, il lui dit soit et devienne. Et rien ne va changer le destin. Rien absolument. Le destin ne change pas. Vous savez ce que ça va devenir si le destin change? Ça veut dire que Dieu ne sait pas. Vous avez compris pourquoi? Le destin est composé de trois éléments. La prédestination et la destination, donc, est composé en tout de quatre, les trois plus un. Il y a la destination et la prédestination. Donc deux. Maintenant, la prédestination, il est composé à trois éléments. Ou étapes, si vous voulez. Trois étapes. Et la destination à un seul. Un café? Non. Un thé, peut-être. Oui, si possible. Bien sûr. Quelqu'un d'autre veut du thé, quelque chose? Non, il n'y a que moi qui veux du thé. C'est celui qui est composé de la prédestination et de la destination. Oui, mais la destination, c'est quoi la destination? Qu'est-ce que tu entends par destination? Est-ce que tu peux nous définir destination? Mais attends, j'ai commencé, je n'ai même pas expliqué. Mais justement. Vous vous acharnez. Bah parce que déjà, ce n'est pas clair. On te demande tu peux te patienter un peu? Mais tu parles de destination. Tu peux te patienter un peu? Là, non. Okay. Là. Non, on ne va jamais comprendre. Non, mais ouais, je ne sais pas. Écoute, prends le temps d'écouter, s'il te plaît. C'est vrai qu'on a du... Exactement, tu as raison, complète. J'ai voulu un petit peu... Vous avez du mal à écouter. J'ai pas su m'expliquer. Non, tu as du mal à écouter, Mohamed. Mais c'est bon, on est en train de perdre le temps là. Quand je bloque déjà sur un truc. Ben, on est en train de perdre le temps. Les trois étapes de la prédestination sont la science divine qui a précédé toute chose avant sa création. Sur la science divine. La science divine qui a précédé toute. Vous pouvez l'appeler omniscience. L'omniscience. Qui a précédé toute la création. Toute chose avant la création. Ce qui veut dire que Dieu, c'est tout qu'il va créer avant de la créer. Il le sait déjà. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand on avant de naître, il sait déjà qu'on va à un moment donné on va faire une doura pour telle ou telle chose. Bien sûr. Il sait que c'est ça en fait qui fait que. Avant que tu deviennes au monde, avant que tu deviennes au monde, du début de ta vie jusqu'à la fin, voilà. Tout ce que tu as fait, il le sait déjà. C'est pas vrai qu'on péché qu'on va commettre, on va. Il sait déjà. On va à l'enfer, on va au paradis. Bien sûr. Mais même s'il sait qu'on va demander, mais c'est pas parce qu'on a demandé. Qui nous donne? Vous savez que tu vas demander à un moment donné. Mais si vous, franchement, vous êtes en train de perdre le temps pour rien du tout. Deuxième étape. La volonté de faire ce qu'il veut faire, qu'il a déjà su qu'il va faire. La volonté de faire. Ce qu'il veut faire. Qu'il a su déjà. Qu'il a su déjà faire. Il a su. Déjà. Il a su. Il c'est qui? Dieu. C'est qui ça va être? C'est toi? C'est même si toi c'est elle. C'est On l'a dit qu'il savait, n'est-ce pas? Qu'il va le faire. Mais il a la volonté de faire ce qu'il savait déjà faire, ce qu'il voulait déjà faire, qu'il sait faire. Ça, c'est un. Trois et deux plutôt. Troisième point ou étape, c'est l'écriture. L'écriture? En fait, c'est l'écriture de sa science et de sa volonté. Ce qu'il savait, ce qu'il voulait faire, qu'il savait déjà, il l'a écrit. Qu'est-ce que tu appelles le verbe? Non. On se rappelle le verbe quand on dit soit ou pas. Voilà, c'est ça le verbe. C'est bon? Donc, regardez ces trois points-là. Si Dieu... Vous m'écoutez? Si Dieu sait déjà ce qui va se passer, et il veut que ça se passe, et il a écrit que ça va se passer, donc, il a écrit que tu vas venir au monde, et que telle chose va se passer pour toi, et que tu vas invoquer, tu vas l'invoquer. Si après tout ça, il a changé, parce que tu as invoqué, eh bien, ça veut dire que ceux qui le savaient ne le savaient pas. Parce que ce qu'il avait noté va être différent de ce que s'il a changé. Ce qui va se passer n'est pas ce qu'il a noté. Parce qu'un changement, c'est un renversement. Ce qui doit se passer ne se passe plus. Alors que Dieu veut que ça se passe. Pourquoi ça ne s'est pas passé? Parce que tu as invoqué. Donc ton invocation va interférer pour empêcher que ce que Dieu a voulu se passe. Donc ce n'est plus sa volonté pour que la chose ne se passe pas, c'est ta volonté parce que c'est toi qui as invoqué. Donc le point 2, il est caduque. Il est caduque. Le point 2 est quoi? Caduque. Après, finalement, à la fin, on va rentrer dans le cadre de la destination qui veut dire la création. C'est tout simplement la réalisation qu'il avait su, qu'il avait voulu, qu'il avait noté. Répétez-la. La réalisation de ce qu'il a su, qu'il a voulu, qu'il a noté. Qu'il a noté. Ah ben on en revient à l'écriture, à la partie 3. Qu'il a écrit. C'est ce qu'il est arrivé là. C'est bon. Qu'il a su, qu'il a voulu et qu'il a écrit. Qu'il a su, qu'il a voulu. La destination, parce que j'ai pas. Je dis, la destination, c'est la création. C'est la réalisation de ce que Dieu a su, qu'il a voulu, qu'il a noté. Donc, la réalisation de la prédestination. Hein? La réalisation de la prédestination. La réalisation de ce qui était prédestination. C'est pour ça qu'on l'appelle prédestination, qui a été avant la destination. En fait, c'est tout simplement le plan théorique et pratique ensuite. C'est la théorie et la pratique. La réalisation, donc la destination, c'est la pratique. C'est de mettre en pratique une réalisation de ce qui était théoriquement mis en place. Oui? Je t'écoute. Mais pourquoi Allah, il dit « invoquez-moi » et faites des douas, et elles seront exaucées. Vas-y. C'est des questions que les gens qui étaient devant toi, ils l'ont déjà posées. C'est la même question qui les perturbe. Mais ils n'ont pas compris les réponses. C'est la question qui les perturbe jusqu'à présent. Si donc, Allah, il a écrit pour nous, et que c'est comme ça, oui? Pourquoi il nous demanderait de... Alors c'est une obligation pour nous, c'est pour... Parce qu'on réfléchit en tant qu'humain. Donc, exactement. Donc c'est vrai, revenez. Oh. Ce qu'il faut que vous compreniez. Yalhamdulillah. Ce qu'il faut que vous compreniez. C'est que Dieu a partagé la connaissance en deux. Une connaissance, il l'a dévoilée à l'homme. Une autre, il l'a laissée dans son mystère. La réponse de la question que vous cherchez, sachez très bien une partie de cet détail se trouve dans le mystère de Dieu, personne ne le sait. Vous avez compris? Je vous ai dit que ce hadith est venu du Dua Et l'autre aussi est venu dans le verset du Coran. Ce que nous allons comprendre tout simplement dans toutes ces choses-là, ce n'est pas que la destination va changer. Rien ne va changer. Mais Dieu fera en sorte que, quand même, l'invocation de la personne sera exaucée. Ça veut dire, sans changer dans le système, il lui donnera ce qu'il veut. Si c'est bien pour vous. Il lui donnera ce qu'il veut, j'ai dit. Après, si c'est bien, c'est autre chose. On verra ça après. Sans changer dans le système, il lui donnera ce qu'il demande. Est-ce que ça voudrait dire qu'on interfère du coup ? On pourrait interférer ? Interférer, ça veut dire quoi ? Sachez premièrement que ce n'est pas toutes les invocations. Je ne sais pas si c'est mon cheminement. D'abord, il faut comprendre que les invocations vont être acceptées. Ce n'est pas obligatoirement ce que tu as demandé. On est d'accord ? Ce n'est pas obligatoirement ce que tu as demandé que Dieu va te donner. Ça, c'est un. S'il t'a donné ce qu'il t'a donné, je dis, il va accepter ton invocation en te donnant ce que tu as demandé. Oui. Sans qu'il ne change dans le système. Est-ce que ton objectif, c'est que Dieu change? Non. Dieu change le... Ah, parce qu'il attends à d'abord, madame. Pardon. Est-ce que ton objectif, c'est que Dieu change le système? Non. Très bien. Ton vous objectif, c'est quoi? En gros, moi, je c'est d'abord ce que tu cherches. L'assurance qui m'écoute. D'une manière ou d'une autre manière. Et l'assurance aussi. Attends d'abord, d'une manière ou d'une autre manière. Très bien. Si nous tous, par exemple, assis ici... Nous avons de l'argent. Tout le monde va acheter ça au marché. Mm-hmm. Vous avez compris? Mm. Vous avez tous acheté. Quelqu'un est venu, moi, il m'a apporté ça, il m'a dit, tiens. Mm-hmm. Il m'a donné. Vous voyez que vous avez tous acheté. Mm-hmm. Mais moi, je ne l'ai pas acheté. J'ai eu la même chose que vous, mm-hmm. mais d'une autre manière différente que la vôtre. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de l'acheter. L'objectif, c'est de l'avoir. Mais quelles qu'en soient les manières dans lesquelles on l'a eu, c'est le but, la finalité. C'est ça qui compte. Donc, Allah Ta'ala t'amène à la finalité de ton objectif. Mais sans changer dans le système. C'est-à-dire, il ne va pas changer Al-Qadar. Il savait que nous, on l'achèterait et que lui, on lui donnerait. Voilà. En gros, c'est déjà oh, très bien. Mais tu vas avoir ce que tu cherches. Mais toi, à l'instant T, tu ne le sais pas. Voilà. Toi, tu demandes parce que tu le veux. Et c'est ça, la il allait me donner quand même ce que j'ai demandé. Oui, tu as demandé. Il t'a donné ce que tu as demandé. Oui. Parce même que tu si l'as demandé. Pas demandé, il te le donnera. Oui. Mais tu ne sais pas s'il va te donner ou pas. Exactement. C'est pour ça que tu es obligé de demander. Toi, tu fais ta part. Ah, d'accord. C'est pour toi. Oui, c'est pas un jeu. Que tu demandes ou pas, il te donnera s'il doit te le donner. Mais ça, c'est l'aspect en fait, du fait de demander, oui. C'est de savoir si... Je vous disais que... Mais ça, c'est toi, c'est pour toi, en fait. Toi et moi, par exemple, on n'aura pas du tout la même manière d'invoquer. Toi, t'as besoin de quelque chose, moi, j'ai besoin d'autre chose. Et donc, il y a l'aspect humain, qui nous fait du bien, qui est là, et après, il y a l'aspect divin, qu'on ne maîtrise pas du tout. Moi, honnêtement, quand j'invoque, je ne m'en occupe pas de ça. J'ai juste besoin de parler, en fait, et de demander... Et je m'en satisfais. Même si je sais qu'il a prévu avant, je m'en occupe pas du tout. Ça rassure les vocations. Je n'avais pas d'espoir là-dessus. Se rappeler, bien sûr, se rappeler. Moi, je m'arrête d'aller. C'est un geste de ressourcer. C'est tout changer intérieurement. C'est tout ça. Changer ta foi. Et je vous ai dit la semaine passée qu'il y a un autre bienfait dans l'invocation que vous ne prenez. Vous ne mettez pas en considération qui est plus importante que ce que vous demandez. En fait, l'invocation, c'est véritablement l'adoration de Dieu. Vous êtes en train de l'adorer, vous êtes en train d'invoquer, vous présentez Dieu que vous êtes faible. Et c'est ça le sens réel de serviteur de Dieu. Vous, voilà, vous présentez à lui que c'est le seul qu'il a. Et c'est seulement lui que tu vous demandez. Donc vous voyez, ces liens que ça crée entre vous et Allah, qui est le besoin dans lequel vous êtes, que vous avez besoin de lui. En fait, pour nous, c'est une nécessité. Bien sûr. Pour revenir encore sur les invocations. Et toi, tu as l'espoir qu'il t'exauce ce que tu lui demandes. Si lui, il le veut, il le fait. S'il ne le veut pas, il ne le fait pas. Et tu ne sais pas s'il le veut ou pas. Oui. sur les invocations, quoi, les doigts, de manière générale, si par exemple quelqu'un décède et qu'on fait des invocations. Pour lui, si c'est quelqu'un de bien, l'invocation va exaucer, ça veut dire qu'il va dans le bien. S'il est quelqu'un de mal, vous pouvez invoquer un million d'invocations, ça ne change rien. Donc on revient toujours au même objectif de vrai, de faire du bien pour ces invocations. Exactement. Ça veut dire que ton invocation ne lui fera rien. Sinon, vas-y, fais des invocations à Abuja, voir si ça va changer. Mais pourtant, tu as fait des invocations. Ça ne change rien. Regarde, je vous donne un exemple. Très bien cet exemple. Ibrahim a laissé la tosser. Il va invoquer Allah Tabaraka pour son père. Ibrahim lui dit, Allah Tabaraka lui dit, ton père, il est mort mécréant. Est-ce que vous avez compris? Donc, la doua ne va rien servir. Alors qu'Ibrahim est l'ami même d'Allah Tabaraka Ta'ala. Donc, on voit qu'ici, l'invocation n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas être acceptée, tout simplement. Mais Allah Tabaraka Ta'ala a fait une faveur à Ibrahim que Dieu ne va pas l'humilier. Il ne va pas humilier Ibrahim devant tout le monde. Amener son père devant tout le monde et le faire subir ce qu'il va subir, Ibrahim, lui, ne va pas voir ça. Donc, vous voyez, rien n'a changé dans le qadr. Rien n'a changé dans le qadr. Mais Ibrahim va avoir ce qu'il cherche. Il ne verra pas son père se faire humilier devant lui. Et c'est ça qui le fait là. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est une perception. Je dis, le doua nous permet à changer notre perception à l'égard de la chose qui nous donne un confort intérieur. Voilà, ce n'est pas qu'elle est obligatoirement va changer ce que Dieu a décrété. Ce que Dieu a décrété, rien ne le change. Exactement. J'ai un exemple d'invocation que j'avais faite pour accroître mes biens. Les richesses, exactement. Alhamdoulilah. Elles ne sont pas du tout accrues, mes richesses. Alhamdoulilah. Mais mon cœur était complètement serein. Tout content. Il était serein. Parce que l'argent était totalement satisfait. Il n'a pas eu de l'argent, mais elle a eu le. J'ai eu la satisfaction. Mais c'est ça, justement, quand tu parlais de baraka, c'est ça. En fait, l'objectif d'avoir de l'argent pour acheter des trucs, c'est pas en soi. Mais si Dieu bénit le bien, elle devient abondante. Même donc, un petit plat, des fois, on se rend compte. Elle va dans un profit bien. C'est-à-dire, l'invocation va avoir des conséquences sur la chose sans que elle ne change, sans que la chose elle-même l'a changé. Donc vous avez compris. Voilà. Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, celui qui veut que Dieu allonge sa vie, qu'il lie les liens familiales. Ça veut dire que sa vie va s'allonger. Comment sa vie s'allonge? Nous, quand on dit allonger la vie, c'est que le terme de vie va s'allonger. Alors que Dieu lui-même a dit, il a fixé la mort, la date de mort. Ah, et quand le temps vient, et ça ne va pas dépasser. Ça peut pas changer. Donc comment sa vie va être long? Mais je l'ai vu cette semaine, et pareil, je me posais la question, je me suis dit ça aussi. Oui. Parce qu'en fait, presque tous les... Quoi, c'est ça. À chaque fois, c'est la même chose. Donc les savants vont expliquer ça, et disaient, Dieu va bénir sa vie. Mm-hmm. Regardez ces savants-là, les livres-là qu'on est en train de lire. C'est des hommes comme nous, les humains. Mais ils ont écrit des choses dans le peu de temps que Dieu leur a donné. Imam Shafi'i n'a vécu que 45 ans. Il est mort à l'âge de 45 ans. Naomi. Et combien de livres il a écrit? Alors que certaines personnes sont décédées 90 ans plus, mais ils n'ont pas fait l'œuvre qu'il a fait. Donc tu vois, sa vie est allongée. Parce que la quantité de travail qu'il a fait, dans un peu de temps, d'autres ne pourraient pas le faire dans plusieurs temps. Asyuti avait 18 ans quand il a commencé à enseigner et écrire. Quand il a eu 45 ans, il a arrêté tout, ou 40 ans. 40 ans, il était vraiment un homme bien. Pourtant, il a arrêté tout. Il a invoqué Dieu. Et les livres de Suyuti, on dirait qu'ils n'ont pas de limite. Suyuti. Dans ce petit temps, regarde ce qu'il a fait. Donc, sa vie a été allongée. Regardez, jusqu'à présent, on est, on puise dans leur connaissance. Et le bénéfice qu'il va, le, qu'il va avoir. Comment ça s'écrit, Souti? Je ne sais pas comment ça s'écrit en français. Souti. Donc vous avez compris. Et des exemples, il y en a plein. Donc, est-ce qu'il est important qu'on lui donne une longue durée de vie, alors que dans tous les cas, il va mourir un jour? Ou on lui donne un petit temps de vie, mais cette petite, ce petit temps de vie va devenir largement bénéfique. Donc, vous voyez, c'est ça. Voilà. Madame Jamila, je t'écoute. Non, mais c'est bon, j'en ai dit. Hmm? J'ai rien à dire. Tu as eu ton dose? Ta dose? Non. Est-ce que la question elle est claire, madame Mayou? Là, quand vous dites les doigts nous permet de changer notre perception des choses. Quand on commet un péché, le même péché régulièrement, et qu'on demande à Dieu qu'il nous en débarrasse, c'est quoi? Il nous fait changer notre perception du péché? On le voit plus court. Dieu nous a déjà pardonné du moment qu'on nous sommes demandé pardon et qu'on a mis les conditions. Dieu nous a pardonné. Bon, mais si on recommence le lendemain le même. Il va nous pardonner aussi si on. Ouais, alors attends, parce il va nous pardonner. Si on justement, alors attends, on demande à s'en débarrasser. Hein? À ne plus le faire pour ne plus à. Mais la volonté, c'est aussi une perception. Peut-être. Mais ce n'est pas de dormir et dire Dieu enlève-moi dedans. Non. Dieu dit que je ne fais rien sans cause. Donc la cause doit devenir de toi de te débarrasser de la chose. Que tu veux laisser. Il faut un travail maintenant. Regarde, il y a deux parties. Il y a le côté humain et le côté divin. Dieu, lui, il fait son travail. C'est à toi maintenant d'accomplir ton travail à ce niveau-là. Ça dit, la personne était ivrogne. Il a regretté de son ivresse. Il veut vraiment laisser. Il s'assoit, il pleure, il demande à l'autre de le pardonner. Eh bien, le pardon, c'est le travail de Dieu. Dieu va le faire automatiquement. Peut-être que sa parole est sincère. Maintenant, est-ce qu'il va sortir de l'ivresse? Non. Il faut qu'il fasse l'effort lui aussi. Un travail. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rester à la médine. Il va demander Dieu pour qu'il arrête les mécréants d'être mécréants et que tout le monde va devenir musulman. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le prophète, il a pris ses armes comme tout le monde. Il s'est combattu parce que c'est comme ça fonctionne là-bas. Et le prophète est même blessé dans la guerre. Vous avez compris? Donc parce que le doigt seulement ne change pas les choses. Je vais dire, Dieu peut s'il le veut. Mais il a fait en sorte que l'homme doit faire des causes d'abord pour que ce que lui veut se réalise. Donc c'est lui aussi qui a voulu ça. Donc c'est dans la volonté aussi de Dieu. On n'est pas sorti de la volonté de Dieu. Donc vous avez compris. Donc c'est ça le jeu. Donc cette personne doit se lever et faire des efforts pour qu'il abandonne ce qu'il est en train de faire. Et c'est là sa responsabilité. C'est bon? C'est une fois qu'il a fait la cause qu'il sera pardonné. C'est bon? Il est pardonné du moment où il avait demandé du fait de pardonner. Mais là, de sortir, c'est ça le travail. Oui. Donc, si je reprends ton propos, ouais. Tu dis que quand un serviteur. Ton propos, accusation directe. Non, parce que tu sais, il y a. Enfin, il faut que tu sois clair. Attends. Non, c'est comme ça, on s'embrouille maintenant, pas après. Okay. Elle a posé la question, elle a dit quelqu'un qui commet un péché et qui le refait. Et tu dis, à partir du moment où elle demande pardon. Et à partir du moment, il y a un élément que tu n'as pas bien entendu ou tu n'as pas voulu entendre. Sincèrement. Oui, sincèrement. À partir du moment où elle demande pardon sincèrement, si vous voulez, elle est pardonnée. Je t'ai posé une fois cette question personnellement, chose à laquelle tu m'as répondu. Verset 119 de Sourate des Abeilles, puis ton Seigneur, envers ceux qui ont commis un mal par ignorance et se sont par la suite repentis, ont honoré leur conduite, ton Seigneur, après cela, est certes pardonneur et miséricordieux. Que le péché qui est pardonné, c'est celui qui est commis par ignorance. Or, si tu fais un péché et que tu demandes pardon, que tu sais que c'est un péché. Tu le refais, on n'est plus dans l'ignorance. Après, ouais, dans les conditions, non ? Il y a peut-être des... Dans ces cas-là, on met en question la miséricorde d'Allah. Non, enfin, non, je suis pas dans la miséricorde d'Allah. Je suis dans un point avec lequel... Enfin, avec lui, j'ai... Et c'est juste pour moi l'occasion de... Je remets rien en question, hein, qu'on est d'accord. Mais c'est juste que... Voilà. Écoutez. Est-ce qu'on peut pas remettre... On peut pas refaire... Attendez, ne me cassez pas la tête. Ici, le verset parle des conditions pour qu'une personne soit pardonnée de son péché. Si ces conditions-là sont... Il ne parle pas de la répétition de la récidive. Il ne parle pas de la répétition, ici, dans ce verset. Le verset parle simplement de la condition. Eh bien, si cette condition est remplie, le cycle continue. À chaque fois quand la personne pêche, et qu'il met cette condition-là, à chaque fois que Dieu le pardonne. Essentiel qu'il y a cette condition. Et même s'il a répété 1000 fois. Ça vous paraît... Non, ça, c'est la seule chose qu'on entend. Un problème ? Tous les jours, je disais la même chose. Non, je ne sais pas, quand c'est le seul truc. Par ignorance, c'est tout. Mais c'est vrai. Oui, ça, j'ai compris. Donc, on ne parle pas de répétition. Répétition. Répétition d'un même péché. Il a répété le même péché et il répète les mêmes conditions. Tant qu'il y a la sincérité, Dieu le pardonne. Mais il n'y aura pas la condition d'ignorance. Comme une addiction. L'ignorance, ce n'est pas l'ignorance. C'est pas, c'est pour ça que je parle d'ignorance et d'ignorance partielle. Je parle d'ignorance ou ignorance partielle ou inconscience partielle. Il faut faire la différence entre inconscience partielle et inconscience totale. Car inconscience totale, elle est presque inexistante. Si vous voyez quelqu'un, il est... Non, la conscience totale, si une personne il est conscient totalement d'un péché qu'il a refait, croyez-moi, il est mauvais. C'est un chétan. Sauf chétan qui fait ça. L'humain ne fait pas ça. Vous avez compris ou pas? Non, un être humain qui a commis un péché consciemment et qu'il est conscient totalement et qu'il a recommis, c'est un chétan. C'est-à-dire être conscient totalement, c'est les humains ne font pas ça. Savoir ce que tu fais, vraiment le comprendre, le ressentir. Ben, il a commis, il a bu l'alcool. Il a rebu, alors qu'il s'est repenti auparavant. Il savait très bien que l'alcool est interdit. Et il a conscience totale. Ben oui, c'est, il n'y aura c'est, pas c'est, de... C'est de celui-là, de ce péché-là dont je vous parle. Il n'y aura pas de regret dans ça. Une personne qui, quand vous voyez c'est une personne regrette... Quand vous voyez une personne boire, je dis boire ou n'importe quel péché, et qu'un jour il a regretté, croyez-moi, le regret ça vient comment? C'est que, premièrement, il y avait une inconscience, partielle, ou alors même partielle. Et cette inconscience, elle a été suivie dans une perception qu'il pensait qu'auparavant qu'il était capable d'éviter ce qu'il a fait. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé et qu'il n'a pas pu éviter ce qu'il pouvait, il pensait pouvait éviter, c'est ça qui amène le regret. Donc dès qu'on voit que quelqu'un regrette, sachez très bien qu'il y a un point qui s'est détaillé pour lui aujourd'hui qu'il voit clairement qu'il ne voyait pas auparavant. Donc la différence entre l'inconscient ou partiellement et le totalement conscient, c'est le regret. Enfin, c'est ça qui les différencie. Le regret. Tant qu'on ressent du regret, cela veut dire que... Qu'il y a une inconscience. C'est une inconscience. Partiellement, il y a une conscience. Quel qu'en soit le type, il y a une inconscience. D'accord. C'est là que vient le regret. La personne qui n'est pas inconsciente ne regrette pas. Il ne va jamais regretter. Parce qu'il connaît tous les détails et il n'y a aucune inconscience quelconque pour lui. Il l'a fait par volonté de le faire. Donc pour lui, ce n'est pas un péché qu'il a fait, ce n'est pas un mal. Ou bien, même s'il le considère comme un péché, ben, il est fier de le faire. Voilà. Vous savez, vous pouvez savoir que ça c'est un péché, il ne faut pas le voir. Mais il y a quelque chose qui peut vous venir dans votre esprit, vous dire non mais bon, vous pouvez vous maîtriser. Est-ce que vous avez compris? Ça c'est de l'inconscience, c'est ça, non? Hein? C'est de l'inconscience. Non, parce que vous n'êtes pas conscient que vous n'êtes pas capable de vous maîtriser. Vous êtes inconscient que vous n'êtes pas capable. Donc, petit à petit, donc, les pièges s'ouvrent devant vous. Quand vous allez tomber dedans, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas capable de vous protéger. Et c'est ça qui vous fera mal. Vous vous disiez, mais attendez, si je me suis arrêté depuis le début, je n'aurais pas tombé dedans. Mais la réalité, c'est que vous ne savez pas que vous ne pouvez pas tomber dedans. Que vous pouvez tomber dedans. Vous ne savez pas. Vous pensez que vous ne pouvez pas tomber dedans, alors qu'en réalité, c'est faux, vous ne le savez pas. Jusqu'à ce que vous êtes tombé dedans, à ce moment que vous êtes rendu compte que vous pouvez tomber dedans. Parce que la réalité est que vous êtes tombé dedans. Et donc, c'est ça qui va vous ronger à l'intérieur. Et c'est ça le regret. Donc, ça démontre que quelque part, vous pensez quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai. Est-ce que vous avez compris? Je suis parfaitement d'accord de vos questions, elles sont très importantes, parce que ce sont les choses subtiles. Et tout se passe là. C'est là que tout se trouve. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une foi sereine si ces subtilités ne sont pas claires. À ce moment-là, vous évacuez toute inconscience, vous faites en connaissance de cause. Vous savez que vous adorez Dieu avec tout votre cœur qui est clair, et c'est votre volonté maintenant qui manifeste réellement. Ce n'est pas une passion inconsciente, non. C'est votre volonté qui manifeste. Donc les choses ne sont pas faciles. Elles sont très subtiles. C'est pour cela quand vous voyez que beaucoup de personnes, ils manifestent dans l'islam une fausse manifestation, c'est-à-dire un faux comportement qui ne convient pas de l'islam, ne les accusez pas tous. Tout le monde ne voulait pas faire ça du mal. Ça veut dire que sa volonté, ce n'est pas de faire le mal que vous voyez, vous. Mais sa volonté, c'est qu'il y a une ignorance, quelque part, qui l'empêche de connaître la réalité. Je ne dis pas qu'il n'a pas de responsabilité, parce que la responsabilité aussi, c'est d'aller chercher à savoir et à connaître. Et ceci aussi ne veut pas dire que, même si on est parti chercher la connaissance, qu'on va connaître tout dans le détail. Donc voilà, donc... C'est pour cela, justement, nous sommes constamment dans le chemin de s'améliorer chaque jour. Chaque fois, nous découvrons quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous allons corriger, et au fur et à mesure. Et justement, la raison pour laquelle Dieu est pardonneur. Sinon, on est foutu. Vous avez compris? Parce que si Dieu ne nous pardonne pas nos erreurs que nous faisons, et ces erreurs-là, comme on a dit, ça vient des inconsciences que nous avons. Et donc, ce n'est pas quelque part, ce n'est pas totalement notre faute. Est-ce que vous avez compris? Je dis quelque part, hein, je m'y bats totalement. En réalité, le problème n'est pas le péché que nous allons commettre. Le problème maintenant, c'est de ne pas se repentir ou de se repentir. Ça veut dire la reconnaissance du mal qu'on a commis. Donc, le problème n'est pas que j'ai commis une erreur, un mal. Mais est-ce que je veux reconnaître ça, que c'est du mal ou pas? C'est ça le problème. Donc, la première des choses, je vais essayer de connaître le mal pour ne pas le faire. Si par malheur, je me suis trompé, j'ai fait le malheur et le mal, il faut que je me réveille vite fait pour prendre conscience que ce que j'ai fait, c'est du mal. Et essayer de ne plus le refaire parce que j'ai déjà pris conscience que c'est du mal. Un bon discernement pour ça. Exactement, mais bien sûr. Et justement, ce bon discernement, Dieu nous l'a mis. Ce bon discernement, Dieu nous l'a mis dans l'esprit. C'est l'intelligence humaine. Rien n'est légal. Rien n'est légal de l'intelligence humaine. Il faut seulement qu'on l'utilise, qu'on médite, qu'on réfléchisse, qu'on prend ces choses-là comme préoccupation de notre vie. Mais quand on est préoccupé de des choses viles qui vont nous dérailler de toute réalité, c'est normal qu'on ne va pas les réalités. Mais il y a tout un ensemble de choses. Notre éducation aussi rentre dedans. Et là, une part va devenir la faute de nos parents. Donc, et ce parent n'est personne que toi déjà. C'est toi le parent, parce que toi aussi, demain tu seras le parent de quelqu'un. Donc, prends conscience. Les erreurs que les parents ont fait en toi, ne pas les répéter, ces erreurs-là, pour la génération que tu vas avoir qui viendra. Donc, voyez, cette conscience générale, continuelle, doit être vraiment notre vie. Et à la fin, qu'est-ce qui va venir? À la fin, Allah tabaraka wa ta'ala mesurera notre responsabilité par rapport à notre capacité, par rapport à nos inconsciences. Et il nous pardonnera là où nous ne sommes pas conscients, ça veut dire que nous avons moins de responsabilités dedans. Est-ce que vous avez compris? Et il nous pardonne ça. Et s'il n'y avait pas ça, donc c'est ça qu'on appelle la miséricorde divine. Vous avez compris? Donc l'islam tourne autour de tout ça, et ce n'est pas l'islam en réalité, c'est tout simplement la vie de l'homme. Et tout ce qu'on est en train de dire, c'est notre vie quotidienne de tous les jours. Comment améliorer notre vie? En fait, c'est ça l'islam. L'islam, ce n'est pas l'adoration, prier, jeûner. Non, c'est pas ça. C'est comment, c'est même pas ça. C'est comment améliorer notre manière de vivre, notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec les autres. C'est ça l'islam. Point barre. La prière, c'est la relation avec Dieu. Et les autres, la relation avec nous-mêmes. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez que je suis galant aussi. Hein. Je ne suis pas que brutal. Je ne suis pas que brutal. Donc, qu'est-ce que je disais? Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a un compagnon qui s'appelle Abu Darda. Vous avez compris? On attend la suite. Oui. Mais si vous patientez, vous allez l'entendre. Comme certains directement veulent attaquer. Bismillah. Abu Darda est un compagnon de la Médine. Quand il y a eu Al-Hijra, Abu Darda. Ouais, soit c'est lui, compagnon de la Médine, ou moi qui en tout cas, ça me s'est mélangé un peu. Dans tous les cas, quand les compagnons sont venus, quand les muhajirines, ils sont venus à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé. Vous écoutez? Il a fraternisé les ansars et les muhajirines. Ça veut dire qu'il a mis des liens de fraternité entre eux. Et quand je vous ai parlé tout de suite du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pris son arme pour combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment un stratège. Il n'y a pas un geste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans l'islam que derrière ce geste-là, il n'y a pas une stratégie. Il n'y en a pas. Vous avez compris? Vous savez, un groupe qui doit être compagnon dans la route doit avoir une solidarité entre eux. Et il n'y a pas de solidarité plus grande que la fraternité. Vous avez compris? Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, son messager, on met en place un système de fraternité qui doit être plus puissant et fort que la fraternité de sang et de lait. Cette fraternité de l'islam va prendre la priorité devant la fraternité de lait et de sang entre les musulmans. Vous avez compris? Et donc, pour pouvoir venir à cela, la première des choses, quand il est venu à la Mecque, à la Médine, il a construit la mosquée. Il a tissé ces liens de fraternité entre les Mécois et les Médinois. Chaque Médinois a un frère parmi les Mécois. C'est son frère. De façon qu'ils peuvent même s'hériter. De façon quoi? Qu'ils peuvent s'hériter. Au début. Et là, Salman al-Farisi et Abu Darda sont les frères. Un jour, Salman al-Farsi est venu chez son frère Abu Darda. Il va trouver la femme de son frère dehors, mal habillée, des vêtements sales. Vous voyez, sans aucune manifestation féminine, quoi. C'est pas. Hein? Aucune coquetterie. Il s'étonne, il dit, mais comment tu es comme ça? a dit, c'est ton frère. Il n'a aucune utilité à l'égard des femmes. Il passe sa journée à jeûner et la nuit à prier. Donc, comme si sa femme n'existait même pas, quoi. Est-ce que vous avez compris? Imagine un homme qui passe toute la journée à jeûner et le soir, de la prière de l'échange jusqu'à le lendemain matin, la prière de Fajr, il est dans la prière. Donc, sa femme ne se maquille pas pour lui parce que lui n'existe même pas. La négligence. Oui. Donc, parce qu'il est planqué dans l'adoration. L'adoration est devenue la plus importante pour lui, qui lui a mis à l'écart de tout. Quand Salman est venu, et quand Abu Darda est venu, il a demandé à sa femme de faire à manger pour son ami, son frère. La femme a fait le manger. La femme a amené le manger. Abu Darda a dit à Salman, mange. Il a dit, et toi aussi, mange. Il a dit, non, moi je jeûne. Il a dit, je te le jure, je ne mange pas, je ne mets pas la main dedans si tu ne mets pas ta main. Abu Darda a fini par manger avec Salman. Ils sont restés, ils ont causé jusqu'à la nuit. Salman l'a fait intentionnellement. Hein? Il l'a fait intentionnellement. La nuit est venue. Abu Darda a pris quelque chose pour aller faire la prière. Comme il a l'habitude de le faire tous les jours. Salman lui a dit non, dors. Et il s'est levé plusieurs fois, à plusieurs reprises. Chaque fois, il lui dit dors. Jusqu'à ce qu'ils soient atteints au dernier tiret de la nuit. À ce moment-là, Salman lui a dit allez, maintenant, lève-toi, tu peux aller prier. Après, le petit matin, il lui a dit écoute, sache que ce que tu fais n'est pas bien. La situation dans laquelle ta femme est, sache qu'il a du droit sur toi. Après, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salman a raconté ce qui se passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Darda, sache que ton Dieu a du droit sur toi, ton corps a du droit sur toi, ta femme a du droit sur toi, donne à chaque ayant droit son droit. Donc voilà l'islam. Donc regardez ici, ce n'est tout simplement qu'une relation familiale comme n'importe quelle personne banale dans la vie. Donc l'islam c'est l'accomplissement de ces droits-là que nous avons vis-à-vis à Dieu, que nous avons vis-à-vis à nous-mêmes et que nous avons vis-à-vis aux autres. Voilà. C'est bon? Là j'écoute. C'est quoi le point qui nous a poussé à ça? Donc n'oubliez pas que je vous ai dit que notre passé nous rattrape tous les jours. Et le passé n'est que le présent. Faites attention à tout ce que vous faites dans votre vie. Maintenant, chaque geste que vous faites, ne pensez pas qu'elle va passer. Non, elle n'est pas passée. Elle revient. Ses conséquences vont vous revenir. Donc, si vous voulez ne pas regretter votre vie, il faut toujours faire attention à ce que vous faites. Bien sûr, ce n'est pas tout ce que vous réussissez à bien faire. Mais au moins, vous avez pris des dents. Avant de le faire, vous avez pris des mesures. Le reste n'est pas dans vos mains. C'est pour cela, dans le hadith qu'on a vu la semaine passée, quand ils disent, si quelque chose vous arrive, ne dites pas, j'aurais dû faire ceci, cela, mais dites ce que Dieu a décrété, Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Et toi, tu as mis tout ce que tu peux. Maintenant, ce qui va arriver, elle est arrivée parce que tu ne peux pas l'empêcher d'arriver. C'est pour ça qu'elle est arrivée. Si tu étais capable de l'empêcher, tu l'aurais empêché. pas. C'est pour ça qu'on dit si j'avais su, je n'aurais pas dû. Donc, et donc, si j'avais su, ça, je ne le savais pas. Voilà. C'est justement la raison pour laquelle on ne devait pas le dire, parce que si on le savait, on ne le fera pas. Donc, ce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas le savoir, donc ce n'est pas de notre ressort. Donc, il ne faut pas continuer à se casser la tête de quelque chose qu'on n'aurait pas pu empêcher. Ça nous permet même d'aller en avance. Parce que si on continue à regarder en arrière, on ne voit jamais devant. On ne voit jamais devant. Est-ce que vous avez compris? Donc, si on se planque sur le passé, on ne serait jamais capable de construire de l'avenir. Si quelque chose nous arrive, elle s'est passée, c'est bon, parce que je ne peux pas l'empêcher. Après, fais face à ce qui va venir et veille en sorte que tu ne retombes pas dans l'erreur dans laquelle tu es tombé auparavant. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber dans des erreurs. Hein. Et ce peut même que tu vas répéter la même erreur. Parce qu'il y a d'autres circonstances qui sont différentes des premières circonstances, qui vont avoir le même résultat, mais les moyens ne sont pas les mêmes. Donc tu peux te tromper dans ces moyens-là pour tomber dans le même résultat. Est-ce que vous avez compris? Mais l'erreur, c'est de répéter les mêmes moyens, dans les mêmes moyens, tomber dans le même résultat. Là, c'est une erreur. Là, c'est un problème. Concernant la première consultation, la réponse à cette prière, c'est la finalité ou ce qui se passe? En fait, la prière de consultation, tu es en train de dire à Dieu, lui, il sait, mais toi, tu ne sais pas. Et tu lui demandes de te choisir ce qui est mieux pour toi, dans la vie d'ici-bas ou de l'au-delà. Eh bien, ce qui va arriver, automatiquement, c'est ça, le bien pour toi. Quel qu'en soit-il, même si tu le considères comme mal. C'est-à-dire, l'autre, s'il était arrivé, sera pire. Quel est l'intérêt de la faire? Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Oui? La doua et la consultation, c'est pareil. Ils sont tous de doua. Bien sûr. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce qui va arriver. Et si tu n'as pas fait la prière de consultation et ce qui s'est arrivé, tu vas regretter. Mais quand tu vas faire la prière de consultation, ce qui va arriver, tu ne regrettes pas. Mais ne négligez pas l'effet considérable du regret dans notre vie. Elle est très grave pour nous. Le regret n'est pas bien. Ne regrettez pas. Essayez de trouver un moyen par lequel vous ne regrettez pas. Le regret a un effet très néfaste sur notre cœur et dans notre même santé. Vous avez compris. Qu'est-ce qui pousse une personne à se suicider? Le regret. C'est le regret. C'est le regret qui dépasse la limite. Parce qu'elle en a trop. Voilà. Ça ne veut pas dire que on ne regrette pas. En fait, on regrette quelque chose dans les normes, ça nous permet de avancer. La reconnaissance de ce qu'on a fait, de l'erreur, de ce qu'on a fait, que c'est une erreur. Donc déjà, le regret, c'est quelque chose de bien, en soi, déjà. Et c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose qu'on fait venir, elle vient, elle s'impose. Mais c'est s'attarder dessus qui est difficile. Hein? C'est s'attarder dessus qui est grave. Oui, exactement, la continuité. Mais en fait, l'erreur, c'est positif. Du moment que j'ai regretté automatiquement, c'est que j'ai reconnu que ce que j'ai fait est mauvais. Voilà, automatiquement. Et ça, c'est un signe de foi. Donc, ça doit s'arrêter là et de chercher une solution pour aller en avance. Oui. Si on met du temps à regretter, on a fait du mal et des années plus tard, le regret, c'est pas nous qui le font. En fait, elle s'impose. Pourquoi tu n'as pas regretté durant toutes ces années-là? Parce que tu n'étais pas conscient d'abord de l'erreur. Quand je demande pardon à Dieu des années plus tard, et bien, c'est ouvert quand même. Bien sûr, pourquoi pas? C'est maintenant que tu t'es rendu compte. Comment tu n'avais pas conscience? Font-ils la relation entre la doua normale et la prière de consultation? Elle est plus forte. Mais presque la même chose. C'est presque la même chose. Tout, tu demandes à Dieu. Mais après, on ne s'arrête pas aux doigts quand on fait la prière. Pourquoi on ne fait pas que les doigts, on fait la prière. Mais c'est parce que le prophète nous a dit de faire une période de consultation. Pour une décision en particulier. Voilà. Ça veut dire que dans cette décision-là, il y a du bien, il y a du mal, mais tu ne sais pas. Où est le bien, où est le mal? C'est un choix. Et non, le doigt, c'est un vœu. C'est quelque chose que tu veux. Je veux ça. Ah, d'accord, ok. Alors que le doigt, c'est entre ça et ça lequel je veux prendre. La prière, la consultation, c'est presque un choix. Voilà. Ça et ça, il y a un poison dedans. Et l'autre, je suis obligé de le boire, sinon je vais mourir. Donc, l'autre, si je le bois, je vais mourir. L'autre, si je ne bois pas, je vais mourir. Lequel je vais faire, frère? Donc, je vais voir ce que si je le bois pas, je vais mourir pour le boire, pour vivre. Donc je demande à Allah, moi je ne sais pas, c'est toi qui sais. Oriente-moi à ce qui est bien. Après je prends. Et bien, je vais prendre ça. C'est là qu'il n'y a pas poison. Concernant quelqu'un qui meurt lors d'un accident, mais qu'il a... Enfin, inconsciemment, bien sûr, quand il s'est mis à... Non, comment expliquer ça? Quand il a eu cet accident, c'est dû à une vitesse, voilà. Il a exagéré. Il y a du poison dedans. Hein? Est-ce que ça considère comme un suicide? Est-ce que c'est un suicide ou pas? Et non. Non. C'est pas un suicide. Parce que là, il y a des choses qui disaient qu'il y a l'intention... Qui prend quelqu'un qui meurt dans un accident de voiture et à cause d'un excès de vitesse, c'est que lui-même, il sait. Il peut... Combien de personnes ont conduit avec excès de vitesse qui ne sont pas morts? Oui, c'est sûr. Combien de personnes ont conduit qui est tout à fait normal et sont morts d'accident? Donc, l'excès de vitesse n'est pas obligatoirement un risque de meurtre de la personne. Voilà, maintenant il est responsable, il a une responsabilité. C'est pour ça que quand il tape sur quelqu'un, il est considéré. Et même dans le meurtre, on ne va pas le considérer directement comme un meurtrier. Hein. Mais il va avoir une cause aggravante, on appelle ça ou je ne sais pas. Voilà. Involontaire, en fait. Voilà. Avec quelque chose aggravante. Circonstance aggravante, voilà. C'est ça. Ça veut dire que c'est si. C'est pas considéré comme un suicide. Non.